Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio scientifiques de Vive Voix. Géographie humaine versus géographie déterministe, qu'est-ce qui fait que certains pays sont pauvres? Qu'est-ce qui fait que certains pays sont riches? Nous aurons aujourd'hui une réponse. Bienvenue sur Podcast Science. À tous. Alors, petit tour de table de notre table numérique et physique. On va commencer par ceux qui ne sont pas autour de notre table physique. À Baltimore, nous avons Johan. Bonsoir. À Paris, un petit peu plus loin, on a Robin et Boson. Salut. Et autour de la table physique, il y a moi, Topo. Il y a en face de moi, Nicotube. Salut. De loin donc, puisqu'il n'est pas muni de micro. On a à ma droite Lucille et à ma gauche Léo qui sont nos invités. Bonsoir à tous les deux. Salut. Et on a un peu plus loin, mais très très loin d'un micro, mais accompagné de mon chat Gigi, Adrien pour les dessins que nous avions reçu aussi pour nous parler de CRISPR-Cas9. Alors au sommaire de cette émission, nous allons parler de géographie, mais de distinctions qui existent entre géographie. Comme vous pourrez le constater, en tout cas pour ma part, je n'ai absolument rien préparé, mais ce n'est pas le cas de nos invités, heureusement pour nous. On parlera de la différence entre géographie humaine et la géographie déterministe. On peut peut-être parler un tout petit peu de la genèse de ce projet. En fait, tout est parti d'un documentaire qu'a produit Léo, donc de la chaîne Dirty Biology. Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu ce que tu avais fait dans cette vidéo? Oui. Alors, en fait, j'étais parti pendant un mois entre Bali et Timor. Donc, Bali, c'est une petite île très touristique qui est dans l'archipel indonésien. Pardon. Hop. Et Timor, c'est une île qui n'est pas du tout touristique et qui est aussi dans l'archipel indonésien. En fait, les deux îles sont sur le même arc, l'arc des petites îles de la Sonde. Et il y a une énorme différence de richesse entre les deux îles. Et du coup, je me suis posé la question pourquoi. Et comme j'allais sur place, en fait, parce que je prenais des vacances dans la région, je me suis posé la question pourquoi. Et du coup, j'ai essayé de répondre avec un docu, quoi. Donc toi, quand tu vas dans les vacances, tu fais des vidéos et puis après... Je rentabilise. C'est bien. C'est une bonne idée. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être des quelques conclusions ou même de pistes de réflexion que tu avais obtenues après avoir fait cette vidéo? C'est plus des pistes de réflexion parce que bon, j'ai pas fait un travail de recherche, donc j'ai pas fait de stats ni rien. J'ai juste balancé finalement des idées et essayé de proposer des pistes, quoi. Mais en gros, ce à quoi je suis arrivé, c'est de dire qu'il y avait une grosse influence de l'environnement, en particulier de la géologie, sur la trajectoire, on va dire, sociale de ces deux îles. Il y a une île qui a vraiment eu la chance d'avoir des pentes douces, un sol très très fertile et tout ce qu'il fallait en humidité pour avoir une agriculture très productive. Donc ça, c'est Bali. Tandis que l'autre, elle a eu la malchance, entre guillemets, d'avoir un relief très escarpé, des sols pas du tout productifs et un cycle de pluie qui est pas du tout propice à l'agriculture, on va dire. Donc en fait, il y avait eu déjà une énorme différence, en fait, juste au niveau de la géologie, qui, à mon avis, a vraiment influé sur toute la trajectoire historique de ces deux pays. Ok, d'accord. Voilà, en gros. Donc en gros, la première piste, le truc qui se dégage, c'est que la géographie pourrait expliquer des destins de richesse de certaines civilisations, ou en tout cas à l'échelle d'une deux îles, ça semble se confirmer. Et du coup, moi, quand j'ai entendu et que j'ai vu ce documentaire, j'ai pensé tout de suite à Lucille qui est à ma droite. Pourquoi j'ai pensé à toi? Tout simplement parce que tu es géographe et justement, ma première question, c'est est-ce que tu as vu la vidéo de Léo? Est-ce que t'as pensé que, comme moi, c'était de la merde? Va te faire. Ah, pardon. Non, c'est pas de la merde. Non, c'est clair que non. Mais en géographie, on intègre, c'est sûr, beaucoup plus les impacts que les sociétés prennent, les impacts des décisions que les sociétés prennent pour expliquer aussi l'évolution de leur histoire et comment est-ce que ces sociétés-là évoluent. Même si ça a été dit quand même dans la vidéo de Léo. Donc alors voilà, donc en gros, on va pouvoir avoir ce soir l'œil d'une géographe justement sur cette problématique-là. Et bah, je, J'en profite pour te laisser la parole et pour que tu nous expliques un tout petit peu l'état des lieux, des connaissances qu'on a sur la géographie et ce qu'on peut en déterminer justement grâce à ça. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler du travail des chercheurs qui étudient les sociétés humaines et leur évolution, comme on vient de le voir. Moi, j'avais découpé l'émission en quatre parties, petites parties. Donc, on va d'abord parler, comme on vient de le faire, de la vidéo de Léo Grasset. Et puis peut-être d'autres exemples qui utilisent la démarche comparative. On se demandera aussi qu'est-ce qu'on peut comparer, comment est-ce qu'on compare, en l'occurrence en géographie, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, on parlera du déterminisme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette notion, etc. Et puis, on parlera ensuite de l'utilisation des modèles, puisqu'on en a parlé quand on a préparé l'émission, de l'utilisation des modèles et des mathématiques ou des statistiques pour prévoir l'évolution de nos sociétés, des problèmes liés à la prise en compte des échelles spatiales ou temporelles qui sont très difficilement intégrables dans les modèles. Et à la fin, à la toute fin, on parlera plus dans une discussion, des différentes voies d'évolution des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire des systèmes à la fois sociaux dans leur environnement naturel, donc comme on parlait tout à l'heure, par exemple, de la géologie. Ok, tout un programme. Tout un programme. on va pas chômer. Alors, chez les géographes, il existe énormément de gens qui travaillent avec une approche comparative. Elle permet d'expliquer et d'observer ce qui se passe de commun et de spécifique entre les deux éléments comparés. Alors, entre guillemets, sans tomber dans les excès des modèles qui considèrent des grands facteurs communs qui sous-tendent l'évolution des sociétés. C'est-à-dire qu'on va chercher des grands facteurs généraux, assez peu nombreux finalement, qui vont expliquer comment les sociétés évoluent. Et puis des monographies. Alors les monographies en géographie, c'est les thèses qui étaient faites dans les années 60 qui vont expliquer vraiment hyper en détail par une région de France ou du monde. Ok, ça c'est spécifique à la géographie ou Je sais pas si c'est spécifique, mais en tout cas. En ethnologie aussi. En quoi? En ethnologie. Ah ouais, d'accord. Les voilà. Ethnographes. Ah donc les ethnologies ils font genre un peuple et géographie ils font. Un territoire. Un territoire, ah d'accord. Okay. Mais c'est pas forcément spécifique, mais okay. En fait c'est vraiment expliqué par le menu. Grand 1, nanana. Et enfin, voilà, c'est très. Un exercice de style quoi. C'est et plutôt social, ouais. Voilà, c'est ça. Anthropologie, sociologie, géographie, ouais. Et ces monographies, elles ne permettent pas forcément la généralisation, donc pas du tout l'utilisation de modèles. Donc on peut comparer de trois manières différentes. D'abord en comparant deux choses qui sont complètement différentes, donc en géographie, des terrains complètement différents. Alors c'est ce qu'a fait Anne-Laure Le Reboulet dans sa thèse, mais c'est qu'un exemple, hein, je dis, il y a plein d'autres exemples. Elle a comparé deux régions viticoles. Donc là en géographie, le vin est tout hyper étudié. Donc elle a comparé deux régions viticoles, l'une en France, l'autre en Australie, où les politiques de gestion sont très différentes, mais où le climat est à peu près similaire, il est méditerranéen. Ok. Donc on peut aussi... Attends, parce que c'est quel vin? Parce que si c'est Beaujolais, de toute façon, c'est biaisé. On est d'accord. Voilà. On peut aussi comparer en fonction du temps, comme moi je l'ai fait dans mon travail, en comparant la situation d'un seul endroit, mais entre deux années différentes, ou entre voilà, deux périodes différentes. Donc moi j'ai travaillé sur l'évolution du Nil en Tunisie entre les années 60 et les années 2010. Et on appelle ça une approche diachronique qui étudie l'évolution temporelle d'un système. Et enfin, en comparant une situation particulière avec un modèle qui est déjà établi et qui permet de confirmer le modèle ou bien de le retravailler. Est-ce que tu veux ajouter ? Eh ben, j'ai un exemple, par exemple, de ça. Mais peut-être que c'est un peu trop tôt pour en parler. C'est un exemple, donc on entre tout de suite avec Jared Diamond. Vas-y, c'est vas-y. Le gars dont on va parler à mort aujourd'hui. Tout le long de l'heure. Donc Jared Diamond, donc c'est un gars qui était à la base ornithologue et puis qui s'est dévié sur des thématiques un peu plus sciences sociales, mais toujours avec sa sensibilité d'écologue, de biologiste. Et donc dans une étude qu'il a publiée dans Nature d'ailleurs avec un pote à lui qui s'appelle Barry Rollett, donc ils ont publié en 2004 une étude qui a comparé 69 îles en Polynésie, donc voilà, démarche comparative, et ils ont en fait codé chaque île sur plusieurs critères, et leur question c'était de savoir s'il y avait des critères qui favorisaient plus ou moins la déforestation. Donc est-ce que par exemple une île qui est plus montagneuse aura plus ou moins de chances d'être déforestée qu'une île qui ne l'est pas? Voilà. Donc ils ont fait cette étude comparative, et puis avec des stats relativement simples, hein, finalement, ils ont réussi à montrer que pour qu'une île conserve sa forêt, pour qu'elle ne se fasse pas complètement éclater les forêts par les humains qui habitent dessus, ça dépend de certains facteurs géologiques, comme le type de terrain, comme le type de relief, comme le type de sol, et aussi la présence de cendres volcaniques, par exemple. Donc voilà, là, typiquement, on a vraiment une approche comparative où, finalement, ils ont fait un espèce de gros tableau avec chaque île, plusieurs facteurs par île, et puis ils ont fait leur petite analyse. Ils sont arrivés à leur conclusion. Voilà. Je peux poser une question ? Oui. Est-ce que les îles, elles sont habitées ? Ouais, alors c'est ça, justement. C'était chaque fois des îles habitées pour, en fait... Finalement, c'était l'intérêt de l'étude, c'est que finalement, elles ont toutes été habitées par, entre guillemets, le même peuple, dans le sens où c'est des îles polynésiennes, donc elles ont toutes été habitées par des Austronésiens, donc pendant une grande vague de migration qui a eu lieu il y a environ 5000 ans. Enfin, ça a commencé en moins 2500 et puis ça s'est étendu sur toute la Polynésie. Donc les gens, ils sont partis en gros de Taïwan et puis ils sont allés jusqu'à l'île de Pâques. Donc on sait que c'est à peu près le même peuple, pas forcément les mêmes coutumes, mais c'est à peu près le même type de personnes. Donc ça, c'est un facteur déjà qu'on peut enlever. Donc ils ont ça en commun. Et ce qu'ils ont codé, entre guillemets, c'est l'état de forêt au moment où les Européens sont arrivés. Donc comment étaient les îles quand les Européens sont arrivés sur l'île et en fonction des facteurs environnementaux. Moi, j'ai tout suivi. Je suis content. C'était bien. Pas de question. T'as aimé? Non, c'était pas. Donc voilà, donc ils ont publié ça dans Nature. Et enfin, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la publi comparative, puisque finalement, ils ont 69 îles, donc ça fait quand même pas mal de points. Enfin, pour 69 îles, en plus, c'est des trucs isolés, donc c'est pas complètement contrôlé, mais enfin, ça permet déjà d'enlever plein de facteurs qui sont un peu compliqués et à mettre dans une analyse. Et là, pour le coup, ils ont fait un truc assez propre, quoi. Donc voilà. Et juste moi une question, du coup l'ornithologie ça mène à n'importe quoi ? Ça mène à tout. C'est ça, tu dis des piofs, voilà, c'est bon. Ouais. Ah, il a fait de la physiologie aussi, c'est un mec assez puissant intellectuellement. Hein. D'accord. Ouais. Il a fait plein de trucs. Nabokov était un lépidoptère. Bon, on s'en fout. Nabokov, ah ouais, carrément, ouais. Lépidoptériste. Ouais, ouais. Et après il a écrit un livre avec un pédophile. Voilà. Donc ouais, ça mène à tout. Ça mène à tout, on y vient. Il était quoi, pardon ? Il était ornithologue ? Lépidoptériste, ça veut dire qu'il était spécialiste des papillons. Donc, pour parler du déterminisme, justement, puisque je viens de poser cette question sur est-ce qu'il y avait des hommes, est-ce qu'ils ne sont pas déjà arrivés quand c'était... Enfin, est-ce que ce n'était pas déjà déforesté à moitié par les hommes, évidemment, quand les Européens sont arrivés ? Si je peux pas ajouter un truc avant de parler du déterminisme, je voudrais revenir sur le titre de l'émission. En fait, j'ai pas du tout réagi assez vite par rapport au titre de l'émission. J'étais hyper occupée. Donc la géographie, effectivement, elle est schématiquement scindée en deux sous-disciplines. La géographie humaine, effectivement, et la géographie qu'on appelle la géographie physique, et pas du tout géographie déterministe. D'accord. En fait, déterministe, on l'associe à géographie physique parce qu'on fait peut-être un lien intellectuel avec. Voilà. Mais c'est pas la vraie dichotomie qui existe, quoi. Voilà, pas tout à fait. Parce que la géographie physique, ça veut pas dire une géographie déterministe, comme on pourrait le penser. La géographie physique, elle étudie effectivement les phénomènes physiques et leur impact sur les sociétés humaines. D'accord. Mais aussi l'inverse, l'impact des sociétés humaines, par exemple, sur la déforestation ou sur d'autres phénomènes naturels. Mais ce qui est important, c'est que la géographie, elle va toujours placer les hommes au cœur du travail. Donc en fait, on peut pas vraiment... Enfin, la géographie physique ne peut pas n'est pas déterministe, au sens où le déterminisme en géographie, c'est penser que les données du milieu vont déterminer l'organisation des territoires et les activités des sociétés. C'est-à-dire toutes les activités, toute l'histoire. On peut en venir aussi à une autre considération d'une des vidéos de Léo, dans laquelle il parlait de la différence entre naturel et pas naturel, et où tu expliquais justement que, même si on considère l'Amazonie et qu'on voit qu'à l'heure actuelle, en faisant des relevés, on est capable de voir que certaines zones qui sont à l'heure actuelle des forêts vierges sont... porte des traces d'une exploitation passée. Peut-être que tu peux en parler mieux que moi. C'est un résultat relativement récent. Ça, on va dire, je pense, des 10 dernières années, c'est que la plupart des grandes forêts vierges qu'on imaginait vierges sont en fait des sortes de champs qui ont été abandonnés il y a très longtemps. Typiquement, je crois que c'est dans la forêt amazonienne qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de noix. C'est les noix du Brésil, je crois. Il y a une concentration beaucoup trop forte en fait de ces types d'arbres pour que ce soit dû au hasard. Et même écologiquement, c'est-à-dire si c'était vraiment juste de l'écologie naturelle, tout ça, ils ne devraient pas être là aussi nombreux. Et donc, c'est qu'ils ont été plantés. Ouais. En plus de ça, l'archéologie, elle montre que finalement, tout ce qu'on croyait être abandonné, enfin vraiment naturel, c'est des endroits qui ont été abandonnés, mais avant occupés. On voit des routes, hein, c'est ça. Voilà, on voit des routes dans le Tingu, là. Singu. Entre différents villages, ouais, il y avait une sorte de réseau de villages. Il y avait des réseaux de villages. Même, tu retrouves des formes, des espèces de dômes comme ça. Et en fait, On se rend compte que c'était des trucs de culture. Enfin bref, on se rend compte que tout l'endroit qu'on croyait vraiment vierge et qu'on explorait, c'est des endroits qui étaient occupés par des petits-enfants et des vieux et tout ça. Enfin bref, il y avait de la vie, quoi. Et pareil pour les forêts africaines, équatoriales africaines. Et bah, bien sûr, toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est fréquentée. Et puis, il y a eu de la domestication en masse. Enfin bref, tout ça pour dire que le concept de nature vierge, en fait, il est mort. Voilà, il est bien mort. En fait, je sais pas, les fonds des fosses de mariage. Mais même pas, parce que finalement, comme on pêche, etc., on balance et tout ce qui est la neige, tu sais, la fameuse neige qui tombe au fond des océans, bah on l'influence aussi. On a foutu nos isotopes radioactifs un peu partout sur Terre. Enfin, il n'y a plus un endroit qu'on n'a pas touché, même si on n'y est pas allé physiquement, on a balancé nos trucs dedans, quoi. Donc, qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui n'est pas, ça n'a plus de sens. Ok, donc à ma question. À l'Antarctique, est-ce que... encore, on n'y a pas trop touché, c'est. Il y a eu des explorateurs qui en ont fait le tour partout. Je pense que tu peux retrouver des canettes de coca, même sur le pôle sud, à mon avis. Ça circule en plus dans les océans. C'est une vision un peu noire du monde, mais enfin, vraiment, je pense que c'est fini, quoi. La nature, ça n'existe plus. C'est un complexe, quoi. C'est ça, c'est un système. Ouais. C'est un système où il y a des interactions entre nous et on fait partie de la nature, quoi. Enfin, mais sur les terres émergées, par contre. Plutôt sur. Justement, quand il parlait de cette fameuse neige, c'est-à-dire en gros des particules organiques qui tombent de la surface des océans jusqu'au fond, c'est une trace humaine en fait. C'est triste. Hein. Ben ouais. Et du coup, moi, j'allais poser la question, c'est quoi la limite de la géographie physique par rapport à l'empreinte humaine? En fait, il n'y en a pas, quoi, si j'en comprends bien. Je n'ai pas très bien compris. En gros, est-ce qu'il y a un aspect physique de la planète sur lequel l'homme n'a absolument aucun impact qui pourrait justifier qu'on fasse une géographie dans laquelle on ne considère pas l'humain? La géographie considère toujours l'humain. D'accord. Bon, ok. Par exemple, par comparaison avec la biologie qui peut ne pas considérer l'humain, ou l'écologie qui ne va pas considérer forcément l'humain dans les écosystèmes. D'accord. Finalement. L'écosystème, la définition, il n'y a pas d'humain. Mm-hmm. Alors que, on peut étudier les écosystèmes sans. Bah, à l'heure actuelle, sans... on doit en fait. De plus en plus. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux en écologie qui n'ont jamais pris en compte le fait. C'est vrai. Que... Voilà. Mais la géographie prend forcément, ça fait complètement, on intègre complètement l'humain dans la géographie. Ok. D'où la notion de déterminisme qui est particulière et qui ne correspond plus à grand chose, en tout cas en géographie. Okay. Vision, je te laisse nous expliquer ça. Ouais, cette vision de déterminisme, donc comme on vient de le dire, hein, que les milieux déterminent l'organisation des territoires et des sociétés, elle implique également deux choses. La première chose, c'est que les facteurs sociaux, culturels, politiques, économiques, etc. des sociétés sont complètement minimisés. Et la seconde, c'est que les humains sont mis en situation entre guillemets passive face à ce qui leur arrive. Par exemple, ils s'installent sur une montagne. Bah, ils sont complètement passifs par rapport à tout ce qui va leur arriver en lien avec cette montagne, par exemple les avalanches, etc. Alors que non, pas forcément. Dans la réalité, on a aménagé la montagne pour qu'elle puisse correspondre à ce que nous, on voulait bien qu'elle nous permette, c'est-à-dire skier et en même temps faire des chenaux de... On a modifié les chenaux de... les chemins empruntés par les avalanches exprès pour pouvoir nous protéger. Ou les surfer. Oui. Par exemple, pardon. Ouais, non, en fait, j'en profitais des questions de la chatroom, on les fera sans doute à la fin, mais là, on en a une qui va un peu plus loin dans l'histoire de la géographie, qui est limite technique. Alors, ça va peut-être te permettre de nous dire un peu la limite de ce qu'est la géographie. Est-ce que étudier Mars, c'est sans humain, est-ce que c'est de la géographie? Alors, si tu veux, on peut ne pas dire Mars parce qu'il y a des sondes, mais genre Jupiter ou autre, est-ce que c'est de la géographie? Il y a des géographes qui étudient Mars. Donc c'est de la géographie où là on considère pas l'humain. Voilà, la géographie c'est aussi à l'origine quand même l'étude de des formes du relief. La géologie. C'est-à-dire. Et ça c'est pas de la géologie. Ça c'est pas de la géologie. La géologie c'est plus l'étude des roches, comment elles se forment, de quoi elles sont composées, etc. Alors que en géographie on va plutôt étudier les formes qu'il y a sur le relief, c'est-à-dire comment ça se passe l'orogenèse, mais sans aller voir quelles roches il y a forcément. Orogenèse. Ça, c'est un l'orogenèse, c'est les montagnes qui s'élèvent. Bon, triple. Comment une montagne va s'élever, par exemple. Étymologiquement, c'est lié à Oural ou je ne sais pas Ah, je sais pas. Oural, je sais pas si c'est lié à l'Oural. Oro, ça monte, quoi. Orogenèse, donc formation des montagnes. Comme érection, quoi. D'accord. La géologie martienne s'appelle l'aérologie aussi. Non, la réologie, pardon, de Arès. Ah, c'est possible, ouais. Okay. Avec RH, hein. Et donc, sur la Lune, ce serait la quoi ? La sélénologie ou un truc comme ça ? La sélénologie. Et pour Vénus, ça doit être l'aphroditologie. Ah, c'est pas mal, ça. Et sur la planète digression, on est très loin. Donc... je reviens un peu avant. Hein. Donc, les facteurs liés aux sociétés sont minimisés. Et la seconde, donc, c'est que les humains sont mis en situation passive face à ce qui leur arrive. Et ça induit une certaine fatalité ou, en tout cas, une incapacité à se défaire des contraintes naturelles qui n'est plus... vrai actuellement. En gros, c'était le cas avant, jusqu'à la révolution industrielle. Avant ça, donc avant la révolution industrielle, les catastrophes sont considérées d'ordre divin. Et ça, ça change tout. Forcément, on imagine bien que face à odieux ou à des dieux ou à odieux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il y a une fatalité qui domine, même s'il existe des méthodes de protection, comme par exemple des brigades de pompiers dans certaines villes au Moyen-Âge, par exemple, pour contrer les feux qui... souvent sont complètement d'origine humaine par ailleurs dans les villes. Voilà. Donc le premier à avoir provoqué un débat autour d'une possible responsabilité des hommes dans les risques et dans les catastrophes, c'est Rousseau. En 1755, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, à la Toussaint, donc tout le monde était dans les églises, etc. Il y a eu ce tremblement de terre et il y a eu des milliers de... Enfin, je sais pas combien il y a eu de morts, mais énormément de morts. Et Voltaire a écrit « Dieu s'est vengé, ô ciel, ayez pitié de l'humaine misère », et Rousseau lui a répondu « La nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. » On peut dire « po po po ». Voilà, exactement. Et il poursuit, si les habitants s'étaient dispersés ou logés autrement, on les eût vus le lendemain à 20 lieues de là, tout aussi gais que s'il n'était rien arrivé. Donc là, pour la première fois, en tout cas dans les hautes sphères et dans les écrits, la catastrophe n'est plus uniquement divine ou naturelle, mais comporte bien une dimension humaine. C'est l'organisation de la ville de Lisbonne qui a favorisé finalement la catastrophe. Ça va bouleverser les débats scientifiques et religieux à l'époque. Et ça cristallise l'idée selon laquelle les hommes peuvent comprendre les événements naturels qui les touchent et peuvent donc agir pour en atténuer les effets. Donc finalement, la fatalité diminue. On est capable d'agir avant, pendant et après les crises. Et du coup, l'acceptation du danger en même temps diminue. C'est-à-dire qu'on est, plus fataliste. On va donc moins accepter qu'il nous arrive des choses négatives, entre guillemets. Du coup, on peut prendre des mesures de prévention, de protection et de gestion des crises. Alors, pour continuer, je vais citer M. Quenet, qui a écrit un article en 2010 et qui parle des tremblements de terre fréquents après 1755, donc après cet événement de Lisbonne. « Cette menace nouvelle fait à son tour du mal physique un scandale. Pour la première fois depuis des siècles, le degré de risque accepté par les hommes a changé. La période moderne conduit bien, d'une part... à une prise en charge étatique des dangers, et d'autre part à la naturalisation et à la laïcisation des catastrophes. » Donc cette vision déterministe en géographie, on est toujours en géographie, elle est obsolète, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les capacités des sociétés humaines à organiser, à créer, mais aussi à prévoir leur servent à se prémunir contre les phénomènes naturels dommageables. Cependant, l'extrême inverse, donc c'est-à-dire le fait que les hommes se sont complètement détachés des contraintes physiques, n'est pas valable non plus, puisqu'on vit bel et bien dans un environnement qui est parfois imprévisible, et que les ressources en présence vont effectivement influencer le développement, la croissance, etc. des sociétés, comme Léo l'avait montré dans sa vidéo. Finalement, on peut retenir que les contraintes naturelles, elles existent, qu'elles ont une influence sur les sociétés, et que les sociétés ont une grande capacité d'adaptation, à la fois d'elles-mêmes, elles vont s'adapter à leur milieu, mais aussi du milieu dans lequel elles vivent, pour que le milieu le leur rende bien, entre guillemets. Ouais, je pense que c'était aussi la conclusion finalement du docu, c'était de dire que dans les deux cas, donc, pour rappel, c'était sur Bali et sur le Timor, en fait, donc les deux îles, les populations qui vivaient sur les deux îles sont vraiment parties avec des environnements très différents, mais à chaque fois, ils ont vraiment essayé d'en tirer le meilleur parti. Par exemple, à Bali, donc c'est une île où il pleut relativement régulièrement tout le long de l'année. Il y a quand même une période sèche, mais bon, c'est une période qui est beaucoup moins hardcore que dans le reste de la région. Et finalement, ces gens-là se sont quand même adaptés parce qu'il y avait énormément, il y a énormément d'eau qui circule en permanence sur les sols. Et ils se sont adaptés pour, par exemple, faire pousser le riz les pieds dans l'eau. Donc ils ont fait un système de terrasse, ils ont fait un système de gestion de l'eau, ils ont géré l'eau de façon communautaire avec un système de temple de l'eau. Enfin, il y a une complexité derrière sociale qui est hyper, hyper bien foutue. Donc là aussi, enfin, ils n'ont pas juste été complètement dépendants de leur environnement, ils l'ont, entre guillemets, géré, ils se sont adaptés à leur environnement, ils ont créé des structures sociales pour le gérer au mieux. Et au Timor, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont des pentes de fous, ils n'ont pas de cendres volcaniques, leur sol, il n'est pas fertile du tout, c'est des vieux sols, c'est tout lessivé, tout part à la mer, de toute façon, il n'y a même pas vraiment de sol, enfin bref. Et eux, pour réussir à survivre dans cet environnement-là, avec cette pente-là, ils font de la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes, ils intègrent eux-mêmes le carbone dans le sol, ils fertilisent leur sol en brûlant des trucs au sol, c'est-à-dire ils coupent, par exemple, ils créent une clairière, ils coupent tout et ils brûlent, ça fait un tapis de cendres qui va ensuite fertiliser pour... Donc après, ils plantent directement leurs plantes dans le sol, dans la cendre. Enfin bref, donc eux aussi se sont adaptés, ils ont créé des méthodes de culture qui sont spécifiques en fonction de leur environnement. La culture sur brûlis aurait peut-être pas aussi bien marché à Bali, et la culture en terrasse, les pieds dans l'eau, aurait pas aussi bien marché au Timor. Donc il y a vraiment, je pense, cet aspect-là où chaque société humaine s'adapte en fonction des conditions, des cartes qu'elle a tirées, quoi. Est-ce que l'un ou l'autre, vous connaissez un exemple de technologie qui aurait permis de s'affranchir, mais véritablement, d'une condition naturelle, ou est-ce que c'est inenvisageable? Moi, je dirais la pénicilline, mais tu... Et encore, non, puisque tu sélectionnes justement des... Ouais, bon, d'accord, mais pendant un petit moment, ça te laisse un petit peu de répit, quoi. Moi, je pense pas. Je pensais vraiment s'affranchir, donc quelque chose dans lequel on a... Le pull. Quoi? Le pull. La doudoune. Le pull. Non, en vrai, tu peux vivre maintenant à Novosibirsk, ou je sais pas quoi, les noms des villes russes, à moins 50, tu peux le faire. Le chauffage, c'est possible. On peut pas se passer de notre atmosphère. Et ça, c'est extrêmement compliqué à... Ouais, encore qu'il y a eu des tentatives de villes sous-marines avec... c'est vrai que c'est pas hyper confortable. C'est un peu humide, mais... Non, mais je pense que je pose la question et ça peut montrer d'une certaine manière l'optimisme ou le pessimisme qu'on a vis-à-vis de la technologie. Mmh, mais... Et la gestion. Je sais pas. Moi, je pense qu'on est très très fort en technologie, etc., mais que quand même, on a besoin d'éléments vitaux, genre l'air, l'eau. Je sais pas si on peut synthétiser très facilement, à moindre coût, et de l'air et de l'eau. Hein. Si on en croit seul sur Mars. Non, mais voilà, mais c'est en fait, même la bouffe, je pense pour moi, c'est le meilleur argument pour dire qu'on est encore dépendant de la qualité de notre environnement. C'est-à-dire que les récoltes, on est encore soumis à des qualités de récolte. On le voit plus parce qu'on achète tout dans les supermarchés, etc. Mais quand il y a une période de sécheresse intense et que le prix du blé, il explose, machin, nous, ça va, on le voit pas trop. Mais dans certains pays, c'est l'émeute parce que, bah, du coup, le prix du pain, il a explosé. Il y a des émeutes de pain. Complètement. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment une question de l'environnement. Enfin, à la base, c'est l'environnement qui a un problème. Bon, après, c'est encore... C'est aggravé par le fait qu'il y ait une sorte de surenchère dans les bourses de... Comment on appelle ça? C'est les bourses du grain, là. Granny bourse. Tu m'aimes beaucoup. Non, tu sais ça, il y a de la spéculation, en fait, sur le prix des céréales. Matières premières. Le marché de Rungis. Ouais, c'est ça, les marchés au gros. Non, mais enfin, le fait qu'il y ait de la spéculation, ça aggrave les circonstances. Donc, mais à la base, t'as quand même une donnée environnementale qui... fait une situation qui est pas top, et ouais. On est encore dépendant de ça aujourd'hui, quoi. On peut avoir l'illusion qu'on s'affranchit, mais en fait c'est parce que on vit aux dépens de sociétés qu'on arnaque, quoi. Mais en fait, tu vois, enfin, pour moi, il y a un bon exemple, c'est dans les années 70-80, plutôt 70, il y a plein de gens qui ont crié en disant qu'on allait devant une espèce de la bombe P, tu vois, la bombe de la population. On allait devant un crash malthusien parce qu'en fait, il y avait trop de gens, il n'y avait pas assez de champs pour nourrir tous ces gens. Ce qui était vrai à l'époque, d'ailleurs, parce qu'il y avait un gros problème de productivité face au nombre de gens à nourrir. Et on a eu la chance d'avoir la révolution verte, en fait, qui a augmenté énormément la productivité agricole. Donc on a été sauvés ce coup-ci. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce problème va revenir en permanence. C'est-à-dire que on est quand même limité par la surface totale des surfaces agricoles, la productivité à la surface, et qu'il y a un moment... Donc on est en permanence, en fait, soumis à cet environnement. On trouve à chaque fois des moyens d'augmenter la productivité ou de, tu vois, réduire la population. On trouve avec la transition démographique, la population diminue, donc ça va, on s'en sort bien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, il y a à chaque fois derrière qui sous-tendent des données environnementales, quoi. Si on s'affranchit, en fait, c'est uniquement temporaire et on pourrait avoir... Oui, c'est ça. Après, ça dépend de l'échelle de temps aussi. Sur les trois pèlerins, oui, peut-être qu'on peut s'affranchir de trois quelque chose. Voilà. Pas plus, quoi. Ouais. Ça me paraît, moi, ça me paraît compliqué. En tout cas, à long terme, ça me paraît impossible. Après, on trouvera peut-être une autre planète où ça va. Non, mais comme en parlait Léo, là, justement, il y avait aussi cet exemple fameux de Fritz Haber qui a justement changé l'agriculture et qui a repoussé d'une certaine manière les limites. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit. Non, ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit. Exactement. C'est-à-dire, tu as repoussé, ouais, t'as agrandi l'espace des possibles, quoi, finalement, mais ça veut pas dire que les limites sont... Enfin, il y a quand même derrière une donnée environnementale. Si d'un coup, par exemple, pour une raison X ou Y, il y a une surchauffe mondiale pendant un été, toutes les récoltes brûlent, ça s'est passé, d'ailleurs. Ouais. Ça s'est déjà passé, oui, en Russie, 2008, tout a brûlé par le sol, et oui, c'était catastrophique, ouais. Et c'est là que les prix du blé ont énormément augmenté. Après, je pense que c'est quelque part, c'est une question de couche, en fait. Tu as une couche environnementale qui te pose une contrainte. Derrière, après, c'est comment répondre les sociétés à cette contrainte. Elles peuvent y répondre de la meilleure façon possible, avec de la bonne gestion, etc. Elles peuvent y répondre avec de la pire façon possible, comme ce qui a été le cas pour donc ce fameux été, parce qu'il y a eu de la spéculation, donc le prix des matières premières a flambé, donc c'est vraiment le pire truc possible. Et du coup, effectivement, là, ça cause des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même derrière cette couche environnementale vraiment de fond qui nous gouverne, quoi. Et puis à laquelle tu peux pas forcément échapper, parce qu'à moins que tu synthétises ta nourriture atome après atome, dans ce cas, c'est bon, t'as plus de problème. Mais sinon, enfin, il y a un moment où t'es quand même dépendant d'un environnement donné, quoi. Ouais, donc en gros, tout dépend de l'échelle, mais... Même en synthétisant atome après atome, t'as toujours besoin d'énergie, et cette énergie, c'est une ressource aussi. Ouais, mais on dit qu'on utilise des énormes paraboles dans l'espace pour nous ramener de l'énergie solaire. On l'a pas précisé au début. Donc en fait, en domestique, un trou noir, et bon voilà. Ouais, rien à foutre, là. Digression encore, pardon. Donc finalement, aujourd'hui, on a une vision qui est plus systémique, comme on parlait tout à l'heure. Alors attention, gros mot, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors une vision plus systémique, c'est-à-dire qu'on va considérer nos sociétés et l'environnement dans lequel elles sont comme un système. D'accord. C'est-à-dire constitué des différents éléments, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient anthropiques. Anthropiques, ça veut dire humains. Mm-hmm. Et qui sont en interrelation entre eux. D'accord. Voilà. Donc on place au même niveau, finalement. Donc ils peuvent être quand même hiérarchisés, mais on place quand même relativement au même niveau des éléments qui sont naturels et anthropiques et qui ont des relations, tout ça, ensemble. Okay. Qui peut, des systèmes, d'ailleurs, qui peuvent être extrêmement complexes. Donc finalement, la modification d'un élément de ce système ou d'une relation entre les éléments va influencer l'ensemble du fonctionnement du système et donc son évolution. Pour autant, peut-on identifier des mécanismes communs à l'évolution de l'ensemble des systèmes socio-écologiques, donc humains, dans leur environnement? Peut-on en tirer des modèles dans le but de prévoir ou d'expliquer ces évolutions observées? Et les échelles d'études, qu'on vient juste d'en parler justement, ont-elles une importance pour expliquer tout ça? Donc la question des modèles, l'objectif d'un modèle, alors je ne suis pas mathématicienne, hein, donc s'il y a des mathématiciens ou des physiciens dans le coin, l'objectif d'un modèle, c'est de traduire ce qui se passe dans la réalité sous forme mathématique, souvent dans un objectif final prospective, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des prévisions sur comment va se développer ou comment va se poursuivre l'évolution de ce système. À la base, il s'agit donc d'identifier des facteurs qui vont agir et influencer les résultats du modèle et de quantifier l'importance relative des différents facteurs. L'avantage majeur, c'est qu'on peut, une fois le modèle calibré, faire de la prospective, c'est-à-dire tenter de prévoir à l'avance quelle direction va être prise par le système qu'on étudie. On peut aussi faire cela pour comprendre comment les sociétés du passé ont évolué. Je laisse Léo parler de la cléodynamique. Ah oui. Bah ouais, c'est parce que en fait, ce dont tu parles, finalement, faire des modèles, bon, c'est un peu l'approche normale, on va dire, en sciences naturelles, entre guillemets. Je n'oppose pas du tout sciences humaines et sciences naturelles. Enfin, pour moi, j'ai pas envie de faire un clash comme ça. C'est juste qu'il y a une méthode, disons, traditionnelle en sciences naturelles, c'est d'avoir un certain nombre d'observations, de faire une inférence sur ce qui se passe et faire un modèle et essayer de prédire la suite des événements, quoi. Par exemple, c'est juste un petit exemple, c'est un mec qui s'appelle Peter Turchin, donc c'est un Russe qui bosse aux États-Unis. Il a créé la cléodynamique, donc c'est en 2008, il a fait le premier papier qui s'appelle... donc il a publié son truc aussi dans Nature, et c'est il a nommé son papier Arise Cryodynamics. Donc c'est vraiment un truc genre, vas-y, lève-toi, cryodynamique, lève-toi et marche. Ça fait un peu Frankenstein. Marche vers la montagne. Ouais, ou Jésus. Donc bref, donc, tu vois, donc il fait son truc et qui est vachement impressionnant. Enfin, tout son papier est très cool et il est plein d'espoir sur ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Et en fait, très très vite, ce que ce mec-là a fait, c'est de bosser sur les épisodes de violence aux États-Unis. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode qui s'appelle Prédire l'histoire. Avec Dave d'Histoire Vraie. Avec Dave, ouais, qui faisait un caméo. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé quand est-ce qu'il y avait des épisodes de violence aux États-Unis. Et là, vraiment, il a pris des données, puis il a fait une inférence. C'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'il y avait tous les 50 ans à peu près un épisode de violence. Donc il y avait en 1870, à la sortie de la guerre civile, il y avait un en 1920, c'était les émeutes raciales, et il y en avait un en 1970, donc c'était, je sais pas, c'était, voilà. Mais 1970, aux States, il y a eu beaucoup de morts. Donc en fait, il a pris, lui, il a quantifié la violence par le nombre de morts dues à des trucs sociaux, et donc il s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de pattern, comme ça, et puis il a fait un modèle, dans le sens où il a dit, tous les 50 ans, il y a un truc. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait expliquer que tous les 50 ans, il y a un truc pour essayer de prédire quand est-ce que la prochaine fois, il y aura quelque chose. Donc, a priori, si c'est tous les 50 ans, la prochaine fois, c'est en 2020. Donc, on a 4 ans pour voir. Et donc, son modèle explicatif, c'était de dire, en fait, il y a une surproduction des élites. Donc, ça veut dire qu'en gros, une économie en croissance, c'est une économie qui produit des élites. Il y aura des gens qui vont s'enrichir de plus en plus. Mais au bout d'un moment, il y aura trop de gens riches par rapport aux gens pauvres. Et finalement, ces gens riches coûtent trop cher à la société. Et ils se tapent sur la gueule les uns les autres parce qu'en fait, il n'y a plus assez de place. C'est comme les chaises musicales, il y a moins en moins de chaises. Il y a de plus en plus de riches. Et du coup, les riches se tapent sur la tête pour réussir à avoir les dernières chaises. Donc, en gros, ce qu'il explique, c'est que dans les économies en croissance, il y a une très grosse production de riches. À un moment, l'économie est plus capable de gérer tout ce tas de gens qui sont censés prendre des décisions. Et boum, il y a un épisode de clash social et ça remet tout à zéro, tous les 50 ans. Donc lui, c'était son modèle explicatif. Et du coup, maintenant, ce qu'il est en train de faire, donc là, j'ai pas les derniers papiers qu'il a fait là-dessus, mais ce qu'il est en train de faire, c'est de regarder si au moment où, juste avant que tu aies un épisode de clash social, est-ce que tu as une montée des élites, est-ce que tu as une montée d'un certain type de classe, de revenus, etc., etc. Donc en fait, là c'est vraiment de la démarche que tu aurais en sciences naturelles, en écologie, c'est-à-dire que tu regardes un critère qui est super facile à compter, donc là, dans ce cas-là, c'était les épisodes de violence, tu observes une forme de répétition, tu ferais ça dans un écosystème, ça serait, je sais pas moi, l'abondance d'une certaine espèce, tu regardes une sorte de répétition et tu essaies d'expliquer ce pattern avec un modèle explicatif en fond. La question, bon, pour l'instant, comme je disais, c'est un truc qui est encore en cours, donc j'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire. Mais si jamais il s'avère que son modèle est juste, il peut tenter une prédiction, et si sa prédiction se révèle vraie, dans ce cas-là, c'est un argument en plus pour dire que son modèle est vrai. Donc, moi je trouve cet exemple assez sympa parce que finalement c'est vraiment tenter de mathématiser en mettant des chiffres dans un modèle mathématique. Tu mathématises de l'histoire en fait. Et je trouve ça vraiment sympa. Et donc la cryodynamique, donc l'objet de la cryodynamique, c'est faire que ça. C'est prendre des indicateurs, donc je sais pas moi, la densité de population ou la taille de la population, un niveau de violence, un niveau de richesse, ce genre de trucs qui sont facilement quantifiables. Et tu vas essayer de les modéliser avec des modèles relativement simples. J'ai un autre exemple, si tu veux, je peux t'en parler. Ouais. C'est un truc assez rigolo, c'est sûr. Donc, il avait écrit un bouquin, c'était au début des années 2000. Il avait écrit un bouquin sur de l'histoire longue, en fait, parce qu'il s'intéresse à des grandes périodes d'histoire. Il a essayé de regarder tout ce qui s'est passé pendant 1000 ans en Europe. Et à un moment, il parle des effectifs des chrétiens. Au début de la chrétienté, les gens n'étaient pas très chrétiens, et puis d'année en année, il y avait de plus en plus de chrétiens. Et donc son modèle, enfin, il essayait de comprendre en fait quelle était la dynamique finalement d'enrôlement des chrétiens, de recrutement des chrétiens. Et donc il s'est dit, bon, un modèle très simple, c'est que chaque chrétien convertit une autre personne en chrétien, et plus il y a de chrétiens, plus il y a de chrétiens qui convertissent, donc plus il y a de chrétiens, plus il y a de chrétiens. Un peu comme une maladie. Exactement, mais c'est un modèle c'est un modèle d'épidémie en fait. Et en vrai, on pourrait considérer la religion comme toutes les autres idées, une sorte de même épidémique, quoi. Ça se transmet de personne à personne. Si je te chante une chanson très chiante, tu vas garder la chanson chiante dans ta tête et tu vas la transmettre à d'autres personnes et ça va se propager de personne en personne. Donc c'est pas la peine. Enfin là, tu te rends compte de l'audience que tu as sur Parcation, ça, tu peux y aller. Non. Bref. Et donc en fait, il a fait ça. Donc il avait son petit modèle et ça lui fait une jolie petite courbe logistique. Pouf. Donc au début, ça part très très haut et puis après, ça sature parce que finalement, la plupart des gens ont été convertis. Et lui, il avait des données. Donc, quand il a écrit son livre, il avait des données, mais que pour une petite période. Donc, disons, je sais pas, hein, c'est, on va dire de 0 à 200 après Jésus-Christ. Et il avait ces données qui fitaient, enfin qui collaient bien sur cette courbe-là. Mais lui, il n'avait pas les données suivantes, en fait. Il lui manquait des données. Et quelques années après, il y a quelqu'un qui a écrit sa thèse sur ces trucs-là. Et il a pu remplir toute l'autre partie des données. Donc, après, ça, c'est une jolie histoire. C'est-à-dire que, pouf, d'un coup, t'as plein de nouveaux points, et comme par hasard, il colle au modèle qu'il avait écrit. Voilà, ça, on peut en discuter. Après, c'est le truc, c'est que, est-ce que son modèle, il a pas... Enfin, moi, j'ai pas vu de sa part des tests prouvant que c'était la bonne courbe, etc. Mais il y a une démarche, si tu veux. Il y avait une démarche, mais en fait, je me souviens, on en avait parlé, on regardait ce nuage de points, et c'est vrai qu'il y a une... On a l'impression qu'il y a une... sorte de corrélation entre le modèle tel qu'il est envisagé et la continuité de ce qui était fourni par les données historiques. Après, justement, la question, c'est que ce genre de situation-là, il faut des tests statistiques déjà pour voir si ça colle véritablement, des tests de régression, etc. Et ça, je ne sais pas si, justement, c'est... Ces chercheurs-là sont armés ou en tout cas recrutent des gens qui vont se mettre en place justement tous les tests statistiques derrière. Et puis après, il y a toujours la fameuse phrase qu'on va jamais ressortir assez, c'est que voilà. Donc la corrélation, c'est pas une relation de cause à effet. Quoi. Oui, tout à fait. Non, alors pour ce qui non, est des... par contre, bon, tu veux répéter ce que je dis hein, parce qu'on n'entend pas. Mmh. Ça peut quand même donner de la prédiction, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que même si on n'a pas de causalité, on peut faire de la prédiction. Donc Nicotube dit quelque chose de très juste, c'est que même si on ne voit pas de relation de cause à effet, ça peut permettre d'avoir un élément prédictif, et ça c'est quelque chose de très très important. Tu sais pas pourquoi, mais tu peux le prédire, quoi. C'est-à-dire tu connais pas le mécanisme sous-jacent, mais comme ça colle sur la droite... Et ça souvent, c'est vrai que quelque chose que la plupart des chercheurs oublient, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de modèle sous-jacent, c'est pas parce qu'on n'a pas d'explication sous-jacente que un modèle prédictif, ce que fait ce chercheur-là, est pas utile. C'est clairement comme ça que démarre la science généralement. Enfin, on commence par constater des liens et après on essaie de les expliquer, mais raconter une histoire c'est plus compliqué. Clairement, là, en plus, la cléodynamique, c'est une science qui, je disais, le papier fondateur, il est sorti en 2008, quoi. Donc, elle a 8 ans. C'est une bébé science, en fait. Après, moi, je fais confiance, disons, aux mecs qui la font, parce que c'est des gars qui viennent de milieux très exigeants en termes de méthode. Peter Turchin, donc le gars qui a fait le fameux papier, c'est à la base un mathématicien et écologue... mais plutôt du genre écologie des populations, donc c'est des gens qui utilisent des modèles mathématiques assez bourrins. Finalement, enfin, moi quand je vois les papiers qu'il produit où il essaye d'expliquer voilà, ces histoires d'abondance, de convertis ou de violence, ce genre de choses, en fait je vois exactement les mêmes formules que dans mes cours d'écologie de master, quoi. C'est vraiment pareil. Mais du coup, pour ça, j'ai relativement confiance, dans le sens où je me dis, s'ils suivent la même démarche que dans un domaine où cette démarche fonctionne, bah là aussi, pourquoi pas. Faut juste pas perdre de vue que peut-être pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand on raconte une histoire, on prend toujours le risque de se planter. Quand on fait des corrélations statistiques, ok, ouais, mais c'est... Oui, mais d'ailleurs, enfin, le côté sympa, bon, enfin, c'est normal, ils sont scientifiques, donc ils connaissent les limites de leurs études, mais je pense qu'ils sont très conscients du fait qu'ils expliquent une partie des données. Mais comme c'est des sciences humaines aussi, enfin comme tu touches à des humains qui sont quand même des trucs un tout petit peu plus compliqués que des lapins et des lynx, bah du coup tu t'expliques qu'une partie de ce qui se passe, quoi. Disons qu'on a en tant qu'humain, on a une capacité de réflexion, de prise de décision, de voir à long terme, etc., qui est spécifique, qui est très particulière et qui du coup évidemment c'est hyper compliqué à prendre en compte dans des modèles comme ça de épidémiologique, un peu comme le chrétien. C'est assez compliqué, quoi, à prendre en compte. Mais après, si ça fonctionne et que le modèle en 2020 il se passe quelque chose aux États-Unis, une phase de violence, ce sera intéressant. Mais c'est aussi intéressant s'il y en a pas, Oui, pour voir bah, au final pourquoi il n'y en a pas eu. Alors. Après, c'est le, enfin, pour moi, il y a un côté intéressant, c'est le fait que, comme ils mathématisent finalement, ils peuvent faire des paris. C'est-à-dire, ils peuvent, là, c'est ce qu'il a fait, Peter Turchin, c'était en 2010, il avait quasiment, il n'avait pas mis de l'argent sur la table, mais il avait vraiment dit, bon ben voilà, je mets ma crédibilité en jeu, si en 2020 il n'y a rien... c'est que je suis un gros broc, c'est que je suis pas capable de faire quoi que ce soit. Et ça, moi, je trouve ça assez, assez couillu, en fait. C'est-à-dire de dire, bah, on va voir, quoi. On va voir. Et le fait de faire des prédictions et de tester les prédictions, pour moi, c'est un peu une sorte de qualité, de gage de qualité d'une science, quand même. C'est-à-dire qu'une science qui fait que de l'explication a posteriori, bon, c'est sympa, mais en vrai... tu peux raconter plein d'histoires, quoi. C'est comme bah lui, il en parle très bien. C'est, il dit, bah, y a 200 explications pour la chute de Rome. Bah, c'est, en gros, chacun crée la sienne, quoi. Mais si j'ai envie de raconter que c'est à cause du saturnisme, parce que la flotte des Romains que buvaient les Romains, elle passait dans des tuyaux en plomb. Mais ça, c'est vrai, ça. Oui, mais c'est pas que ça. Tu vois, tu pourrais raconter ce que tu veux. Et c'est ça le problème. Donc lui, il dit, bah, quelque part le courage de faire une science qui fait des prédictions et qui, bah, du coup, tu mets ta crédibilité en jeu quand tu te fais une prédiction et qui teste des trucs vraiment pour de vrai, quoi. Essayons de faire de l'expérimental avec essayons de faire de l'histoire une science naturelle, en fait. Je voudrais parler de ça avec des historiens, du coup. Et ben alors, bon, mais j'avoue que sur la vidéo que j'ai fait, il y avait pas mal d'étudiants en histoire qui étaient relativement mais alors que les étudiants. Et ça, j'ai trouvé relativement paradoxal. C'est-à-dire que les étudiants n'étaient pas hyper chauds pour cette approche, mais paradoxalement, il y a des chercheurs qui étaient plutôt OK. Alors, donc modéliser, ça implique forcément une certaine simplification de la réalité, du terrain, mais aussi des dynamiques qui ont lieu au sein même du système, et il est impossible de créer un modèle qui prenne en compte finalement tout ce qui se passe sur un espace. Je vais un peu passer un peu plus vite pour au niveau du temps. On revient sur Jared Diamond, qui lui a étudié, finalement j'ai eu l'impression, parce que j'ai pas eu l'occasion de lire son livre, qu'il avait fait plein d'études de cas particuliers pendant sa carrière et qu'il a pu définir comme ça des facteurs majeurs d'évolution des sociétés qui sont très variés, les impacts humains sur l'environnement, le changement du climat, les relations des sociétés voisines amies, les relations avec les sociétés voisines ennemies, etc. etc. Donc lui aussi, il prend en compte plein des facteurs comme ça, et je crois qu'il y en a 5 très grands, qui... Finalement, est-ce que ça traduit bien toute la complexité du réel? Forcément, pas forcément, puisque bah, ça paraît très très complexe. Donc ces travaux qui cherchent des grands facteurs majeurs d'évolution ne nient pas forcément les spécificités des phénomènes soudains ou d'échelle locale. À l'inverse, on peut aussi chercher à comprendre les phénomènes d'échelle très fine. On va donc chercher à expliquer l'évolution par des mécanismes plutôt locaux, en prenant en compte les facteurs d'échelle plus vaste que l'espace ou la société étudiée. En outre, les modèles sont dynamiques et sont dynamiques et ne peuvent pas encore bien prendre en compte les éléments imprévisibles, comme la réaction de chaque humain ou de chaque animal, ou encore des événements rares et imprévus qui s'éloignent de la moyenne. En économie, Nassim Nicholas Taleb parle de signe noir. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Oui, un petit peu, ça peut être intéressant. Donc ce sont des événements qui ne font pas partie de la structure profonde ou des tendances lourdes et qui sont imprévisibles, mais qui vont avoir une grosse influence sur le futur. Ces événements que les modèles ne permettent pas de prédire sont par exemple un tsunami, un tremblement de terre, une canicule, mais aussi, d'un point de vue plus humain, un attentat ou un accident nucléaire, par exemple, en tout cas en géographie. Ils vont perturber le système, c'est-à-dire le fonctionnement normal de la société. Une autre limite des modèles, c'est qu'il est très compliqué de modéliser les interactions de différents facteurs du système qui jouent à des échelles spatiales et temporelles très différentes. Pour ça, j'ai l'exemple de Katrina qui a frappé les États-Unis le 29 août 2005. Il est assez parlant pour montrer d'abord que les implications de certains événements ou de certaines décisions ponctuelles sont très complexes à prévoir et que ce qui se passe à une échelle locale peut avoir des conséquences à des échelles beaucoup plus vastes. Mais cet exemple-là permet aussi de montrer qu'on ne peut pas s'arrêter à des causes naturelles pour expliquer des catastrophes. Donc les États-Unis doivent régulièrement faire face à des ouragans. Du coup, pourquoi est-ce que Katrina a été si meurtrier en faisant plus de 1300 morts en 2005? En fait, ce n'est pas parce que l'ouragan était particulièrement extrême. On en avait déjà vu des comme ça, c'était pas un ouragan extrêmement violent. Mais on s'est retrouvé dans une situation quand même problématique, avec des vents très violents, une très grosse dépression et une très haute marée à la Nouvelle-Orléans quand l'ouragan a frappé. La catastrophe tient beaucoup plus aux facteurs humains et en particulier aux politiques de gestion des risques dits naturels aux États-Unis qui ont fait suite en fait aux attentats du 11 septembre 2001. Donc là on est en 2005, c'est vraiment pas longtemps après. Donc à cette époque, George W. Bush est président et mise sur sa politique de lutte contre le terrorisme, de la destruction d'Al-Qaïda en Irak, etc., après le 11 septembre. Donc finalement, toute la politique américaine, elle est tournée vers l'extérieur du pays et vers le terrorisme, vers la lutte contre le terrorisme, et finalement pas du tout sur l'intérieur du pays, sur ce qui se passe dans le pays, y compris sur les catastrophes naturelles. On néglige complètement, d'ailleurs, ces risques naturels. La mise en place de la politique extérieure du gouvernement de l'époque a engendré la redistribution des budgets alloués à la construction des digues et des protections de la Nouvelle-Orléans, entre autres, hein, ils ont aussi provoqué beaucoup d'autres choses. Donc les travaux sur les digues étaient arrêtés à la Nouvelle-Orléans depuis plusieurs années et on a comblé les portions qui n'étaient pas terminées, au moins chères, mais aussi au moins solides. Ceci explique pourquoi, alors que les côtes avaient déjà subi des ouragans, c'est-à-dire qu'on connaissait déjà les effets des ouragans à cette époque, ils n'ont pas été anticipés car le gouvernement finalement regardait ailleurs, donc forcément grosse influence. Les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 ont également conduit à de grands remaniements dans les organisations de protection de la population face aux menaces. Comme je l'ai dit, les risques naturels sont relayés au second plan, loin derrière les risques terroristes. De nouvelles agences ont été créées, donc des agences gouvernementales. Hein. De nouvelles directives ont vu le jour, les remaniements, des créations d'agences, la multiplication des couches administratives et les nouvelles lois qui sont donc toutes jeunes en 2005. Elles ne sont, et tout ça, tout ce système très complexe et très nouveau n'est pas connu par les gens. Donc même au plus haut niveau, on ne connaît pas bien le système de déclenchement des opérations de sauvetage, de déploiement des moyens, de l'armée, etc. Et ça, ça va renforcer énormément la vulnérabilité. Je descends encore en échelle. La gestion pré-crise, la région pré-crise revient aux maires des différentes communes lors de catastrophes aux États-Unis. Le 26 août 2005, les services météo alertent quant à l'arrivée de Katrina et la très grande majorité des maires organisent l'évacuation de leurs communes. Et ils sont soutenus dans cette démarche par les États qui se chargent, eux, des flux routiers. Ça fonctionne plutôt bien. Les gens ont plusieurs jours pour préparer leur départ. Le système fonctionne. 1,2 million de personnes sont évacuées. Sauf à la Nouvelle-Orléans, où le maire a décidé de ne pas prendre en charge ça, donc de se retirer à peu près complètement. Il ne prend pas la mesure de la catastrophe et ne demande pas à ses administrés de quitter la ville avant, juste 24 heures avant le début de l'arrivée de l'ouragan. En plus de ça, donc vous allez voir, c'est une succession d'échecs, hein, de problèmes qui sont rajoutés. En plus de ça, il n'organisera pas le départ des plus démunis, ces personnes-là, n'ayant pas de voiture ou pas de moyens de payer leur voyage, se retrouvent bloquées. Il ne déclenchera pas non plus de procédures pour évacuer les hôpitaux, les hôtels et les maisons de retraite. Cependant, la seule chose qu'il fera, c'est qu'il proposera un abri qui est le Superdome, dont on a beaucoup entendu parler pendant cette catastrophe. Donc c'était une bonne chose, mais les quantités de nourriture et d'eau ont été très largement sous-estimées. Pour aider les gens, c'est-à-dire que les populations les plus vulnérables, donc les gens pauvres, mais aussi les personnes âgées, dépendantes, n'ont pas été aidées ni préparées à faire face à la catastrophe. Donc une fois qu'on part d'une situation pareille, en sachant qu'il va y avoir un ouragan, forcément, on sent bien venir la catastrophe. Pendant la crise, c'est-à-dire au moment de l'ouragan et juste après, les moyens de communication sont coupés, forcément, hein, tout a été arraché, inondé, etc. Donc plus moyen de donner d'ordre aux policiers, aux pompiers, etc., ni de prévenir l'État fédéral. Et ça, c'est important. Et ça, ça va durer pendant une dizaine de jours. Donc c'est vraiment très très long pour les gens qui sont bloqués là-bas. Lorsque les informations circulent, elles circulent pas très bien. Pour preuve, les hauts responsables encore présents pensent que les digues ont tenu à la Nouvelle-Orléans, alors qu'en fait, pas du tout. Et les méandres administratifs compliquent les choses. Les agences gouvernementales, je rappelle qu'elles sont toutes nouvelles, hein, qui ne savent pas encore très bien quels sont leurs rôles, se marchent les unes sur les autres, donc forcément, ça marche pas très bien. Donc du coup, on a plusieurs jours où la population est bloquée, sans eau, sans nourriture, sans système de sécurité, de sûreté, sans électricité, etc. Pour arranger le tout, ce sera un peu la cerise sur le gâteau, après c'est fini, Les principaux responsables politiques en charge de la sûreté des citoyens sont en vacances, on s'en rappelle, le président Bush, le vice-président Dick Cheney et le chef d'état-major de la Maison-Blanche, Andrew Card, sont en vacances. Donc les personnes qui auraient pu déployer rapidement l'armée ne sont pas là. Mais cependant, une fois que l'armée est déployée, donc 10 jours, 15 jours après, là, hein, une fois que l'armée est déployée, elle est efficace et on commence à évacuer les personnes et à acheminer les produits de première nécessité. J'en profite pour faire remonter une question là, de Petit Caillou qui disait que s'ils n'avaient pas défoncé le delta du Mississippi, qui est une barrière naturelle, peut-être que ça aurait créé quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu penses de ces considérations ? Il y a eu une fragilisation de la zone par ce genre de choses ou... Je ne connais pas précisément l'espace concerné, enfin, cet endroit-là, mais c'est sûr que... alors, je ne sais pas exactement ce qui a été fait sur le Mississippi, mais c'est évident que quand on a un ouragan qui arrive avec une très grosse marée, ça va aussi engendrer une rentrée d'eau de mer dans les fleuves naturellement, complètement naturellement. Si on a complètement modifié le delta du Mississippi, ça veut dire que l'eau ne peut pas non plus circuler de la même manière. Et si elle ne peut pas s'écouler naturellement, entre guillemets, ça veut dire potentiellement qu'elle est bloquée. En l'occurrence, à la Nouvelle-Orléans, c'est ce qui s'est passé, mais avec les digues. L'eau était bloquée derrière les digues. Donc, voilà. Je ne sais pas exactement ce qui... Là, en fait, la plupart des considérations, c'était des considérations politiques immédiates. Complètement. Mais ça se trouve, il y avait une solution géographique, enfin, en tout cas, de gestion du territoire qui aurait pu même pas faire soulever tous ces dysfonctionnements qui sont accablants quand même, hein, faut dire ce qu'il y a. Je sais pas pour la mangrove et tout ça, pour le delta du Mississippi, mais ce genre de truc existe pour les îles coralliennes. Quand tu éclates le corail, le corail sert de barrière, ça permet de, si tu veux, ralentir les vagues, diminuer la vélocité et puis si tu veux faire une sorte de tampon, quoi. Exactement. Ouais. C'est marrant parce que il y a une décision du Sénat là, récemment sur les récifs coralliens du territoire en France. Ils autorisent à draguer les coraux. Ouais. Génial. Ah bon, mais sérieusement, quoi. Ouais. Vraiment. Voilà. Okay. Surtout, juste c'est un truc, surtout cette année, c'est tellement pas la bonne année pour le faire parce que cette année, on a eu un des plus gros épisodes de blanchissement depuis l'époque où on l'observe, tu vois. Donc c'est genre l'année où c'est le plus vulnérable et qu'ils font ça, c'est comme... C'est le pire message, quoi. Hein, tu conseilles quelle année? Bien. C'est dégueulasse. Ouais, mais donc voilà, en gros, il y a des arguments qu'on n'envisage pas où la géographie pourrait éliminer un tout petit peu ce genre de considération en disant, voilà, récif corallien, ok, il y a la biodiversité, etc. Mais s'il y a un ouragan, mais en plus, on pourrait vous tenir responsable de la mort de beaucoup de gens. Ouais. En plus de beaucoup de... Bah, en vrai, c'est un petit peu ce qui s'est passé de façon régulière sur, par exemple, les îles polynésiennes. Une fois que tu as coupé tous les arbres, le sol se casse, tu vois, parce que les racines servent à tenir les sols. Donc c'est à chaque fois, en fait, ton capital naturel, c'est pas juste des ressources, c'est aussi un fonctionnement et c'est aussi des services écologiques qui te rendent. Donc effectivement, j'imagine très très bien que s'ils ont éclaté l'estuaire du Mississippi, ça a dû avoir une petite influence sur les services écosystémiques que celui-ci donnait. Tout à fait. Et du coup, voilà, là, je pense qu'on a bien compris le concept de géographie systémique, dans lequel on voit plusieurs niveaux. Et donc, pour finir sur l'exemple de Katrina, je reprends une phrase qui est issue du rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a été demandée après l'événement. Donc, il y a eu quand même des choses qui ont été faites après cet événement aux États-Unis. Le gouvernement a échoué parce qu'il n'a pas tiré parti des expériences passées ou parce que les enseignements qui auraient dû être tirés n'ont pas été mis en œuvre. Les attentats du 11 septembre ont été l'échec de l'imagination. On n'imaginait absolument pas que les États-Unis puissent être touchés par des attentats comme ceux qui se sont passés. Alors Katrina a été l'échec de l'initiative, cela a été l'échec du commandement. J'ai vraiment choisi cet exemple parce que c'est un très bon exemple de comment est-ce que des décisions humaines complètement vont pouvoir... aggraver complètement une situation qui à la base est un phénomène naturel, un ouragan qui arrive, c'est quelque chose, on peut pas y faire grand chose. C'est cette sentence. Ça, c'est le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a été commandé après les événements pour pointer tout ce qui a été entre guillemets, comment est-ce qu'on a pu en arriver là, alors qu'ils connaissent très bien les ouragans, qu'ils en ont déjà eu. C'était un parlement sous Obama, enfin juste pour... Non. C'était déjà... c'était encore sous Bush. Ouais. Ah ok. Ouais. Bon, bah, ils ont quand même des trucs indépendants un peu, okay. J'imagine. Alors justement, c'est, si je peux t'interrompre 30 secondes, c'est un truc sur lequel insiste beaucoup Jared Diamond. J'ai vraiment l'impression de faire que dire son nom. Non, mais t'es sa groupie, c'est pas grave. C'est un peu, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais bon, après, il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres personnes. Mais bon, bref, en tout cas, il insiste beaucoup là-dessus dans son bouquin qui s'appelle Effondrement, Collapse en anglais. C'est un super livre que je conseille vraiment. C'est qu'il dit, alors, les conditions environnementales, c'est quelque chose, mais la façon dont tu t'organises pour répondre à ces conditions environnementales, c'est vraiment ça qui va décider si tu vas dans le mur ou si tu arrives à t'en sortir. Il a un super exemple avec les Vikings au Groenland, parce que donc il y a eu des installations Vikings au Groenland, moi je ne savais pas avant de lire son bouquin. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que les Vikings au Groenland ne se sont jamais vraiment adaptés aux conditions très très particulières qu'il y a dans cet endroit qui n'est absolument pas productif pour l'agriculture. Enfin, on peut l'imaginer, quoi, c'est juste. C'est un espèce de caillou glacé, donc bon, voilà, essaye de faire pousser des trucs là-dessus. À part du lichen, c'est pas facile. Et il disait, bah, en fait, regardez, il y avait à côté des Inuits qui, eux, s'en sortaient très bien. Alors, je crois que c'est des Inuits de l'ethnie d'Orsay. Bon, c'est peut-être pas ça. Bref, en tout cas, c'est des Inuits qui, eux, n'avaient aucun problème pour vivre, tout ça, tout allait très très bien. Et à côté de ça, les Vikings qui tentaient de garder un mode de vie européen, qui tentaient d'avoir une espèce d'objet de luxe, etc., ils ne s'étaient pas du tout adaptés aux conditions et ils se sont éteints en quelques générations, quoi. Et tu as le même exemple en Polynésie, puisque c'est un truc sur lequel on a des données. Il y a des îles où il y a eu un effondrement vraiment de la société, c'est-à-dire tout le monde a fini par s'éclater parce qu'ils n'ont juste pas fait attention à leurs données environnementales et ils ont fait un petit peu n'importe quoi, comme d'habitude, si tu veux, l'espèce de business as usual, tu vois. Et ça a fini en catastrophe où ils ont coupé tous les arbres et ils n'avaient plus rien à bouffer à la fin. Alors qu'à côté, tu as d'autres îles en Polynésie, je crois que c'est Mangareva, mais je ne suis pas sûr de moi, mais ça doit être. En tout cas, je sais que Mangaia, donc c'est une île où il y a eu un effondrement, et Mangareva, c'est probablement ça, c'est une île sur laquelle il y a eu justement une sorte de gestion. Vraiment, là, ils ont vraiment pris à corps leurs limites écologiques, et par exemple, ils font en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde sur l'île, etc. Il y a vraiment un système de gestion des ressources environnementales qui a été mis en place pour avoir un truc qui soit pérenne, quoi. Donc c'est, enfin, effectivement, je pense que le facteur de gestion, c'est le plus important dans ce qui, dans ta destinée, si tu veux, historique. Ouais. Je suis assez d'accord. Quelqu'un a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat room ? On a des réactions à ce qui était dit sur l'écart des riches et des pauvres qui augmente depuis quelques années. Ah oui, ça va tout péter. Hashtag nuit debout. Hashtag nuit debout. Sinon, moi, j'ai une question. En fait, est-ce qu'il y a des mythes, justement, sur ces déterminismes ? Enfin, je pense tout de suite à l'île de Pâques, etc., où, dans lesquels des chercheurs auraient vu un contexte qui aurait expliqué la disparition. Et en fait, si on creuse un tout petit peu, ça ne correspond pas à des données géographiques, mais c'est juste du bullshit, quoi. Ouais. Alors, autant que je sache, tu veux réagir dessus ? J'ai pas très bien compris le. En gros, tu vois, par exemple, l'île de Pâques, il y a ce mythe. Je sais pas si c'est un mythe, à vrai dire. J'ai entendu les deux avis dans lequel, en gros, la déforestation locale aurait expliqué la disparition de la population sur place. Et que, en fait, c'est pas vrai. Ou la disparition des civilisations aztèques qui aurait été expliquée par. Des épisodes de sécheresse intense. Voilà, c'est ça. Ça. Alors, en gros, je pense que. Bon, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu un argument homme de paille. En fait, c'est aussi peut-être ça part du fait que les gens simplifient ce que disent les chercheurs. Jared Diamond, autant que je sache, n'a jamais dit que l'environnement était le seul truc. Il a juste dit que c'était un facteur. Le problème, à mon avis, des gens, c'est qu'ils sursimplifient, si tu veux, et ils font comme s'il y avait un seul facteur qui faisait tout. Alors que, je pense, dans la géographie déterministe, entre guillemets, c'est pas un déterminisme fort, si tu veux. T'as plein de déterminismes différents. L'état final de ta société va dépendre à 20% de l'environnement, à 35% des décisions machin, à 15% d'un personnage historique quelconque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un ensemble de facteurs qui vont se regrouper en une sorte de réseau de cause à effet. Et il faut juste être capable de savoir que c'est juste des pourcentages, quoi. On peut faire le parallèle avec la génétique, dans laquelle on va te dire, voilà, on a trouvé le gène de l'obésité, et t'es là. Non. Non, mais là, exactement, je pense que t'as une part génétique, une part environnementale, une part de plein de trucs. Épigénétique, même si tu veux. Et toi, tu as des exemples justement dans tes recherches ou qui ont été maltraités comme ça par ou de sujets de recherche que tu aurais vu qui sont régulièrement mal interprétés ? Bah, quand on parlait tout à l'heure de la chute de l'Empire romain et qu'il y a 36 000 théories qui expliquent la chute de l'Empire romain, je pense que il faut arrêter de penser que les causes sont uniques, mais sont toujours multiples. Et qu'il y a je répète encore ma petite histoire, mais qu'il y a différents éléments, et que quand ces éléments changent, ou que quand une relation entre deux éléments change, alors ça va engendrer des choses qui vont avoir des répercussions, qui eux-mêmes vont avoir des répercussions, et donc on ne peut pas avoir de cause unique. Donc quand on a 36 000 explications pour la chute de l'Empire romain, peut-être que finalement c'est une combinaison de toutes ces théories. Alors peut-être qu'il y en a qui sont fausses, mais en même temps on peut pas aller vérifier sur l'Empire romain, quoi. Mais ça peut être pas mal déjà de justement débroussailler. J'ai l'impression que ce qui pourrait être fait d'ores et déjà, c'est élaguer. Oui, voilà. Au contraire, tout ce qu'il faut, quoi. C'est l'énorme intérêt, enfin, de peut-être la cléodynamique et tout ça, c'est justement essayer de faire la part de ce qui est vraiment qui a un impact minime, qui a eu un impact minime dans l'histoire, et regarder les causes qui, elles, ont eu un impact prédominant, quoi. Par exemple, les invasions de koalas sur l'île de Pâques, c'est peut-être pas ça qui a joué sur la disparition. Alors, tu vois, pour le coup, l'île de Pâques, c'est probablement... de ce que j'avais vu, donc, il y a eu, d'une part, des esclavagistes qui étaient venus du Chili, je crois. Oui, exact. Donc, quand tu te fais éclater ta population et que tous les jeunes ils partent, t'as plus personne pour bosser, donc c'est pas top. Et en plus de ça, je crois que ces esclavagistes-là, ils ont ramené, ou les premiers colons, enfin les premiers voyageurs, ils ont ramené des rats. Les rats ont eu pour effet de bouffer toutes les graines des arbres. Donc, les arbres avaient du mal à se reproduire après coup. En plus de ça, ils ont coupé tous les arbres pour faire les fameux moai, là. Donc, en fait, c'est une concordance de facteurs. En gros, ils étaient un petit peu... C'était foutu, quoi. Ouais. Une fois que t'as plus aucune chance, c'est fini. Mais je pense, effectivement, il faut garder en tête que t'as plusieurs facteurs différents qui jouent, quoi. Il y a Didier Mazal dans la chatroom qui évoque les dinosaures... La cause de l'extinction des dinosaures. Et oui, récemment il y a eu ça aussi. On peut trouver plusieurs explications. Après, savoir si on sera complètement... voilà, c'est ça. Si un jour on aura une explication complètement rationnelle et certaine, c'est pas gagné. C'est quoi. Une autre histoire, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est super complexe. Et en plus, on superpose aussi certains fantasmes vis-à-vis de ces populations, de ces événements-là, notamment l'idée que, par exemple, tous les dinosaures ont disparu. Maintenant, on en revient, puisqu'on a compris que les oiseaux, c'était des dinosaures. Et on se rend pas compte aussi que c'était tout un réseau d'écosystèmes, en fait, qui a disparu. Il y a des populations aquatiques qui ont disparu pendant cette période-là, et généralement, on n'en parle pas, et pourtant, bizarrement, ça a pu avoir un impact juste immense, même quelques décennies après un astéroïde, etc. Et c'est peut-être ça qui a entraîné, on ne s'en rend pas compte, quoi. Ouais. En fait, peut-être... Plus de poisson, pas de bouffe. Assez paradoxalement, c'est peut-être la vulgarisation qui est un peu l'ennemi de la science, dans le sens où le but de la vulgarisation, c'est de raconter des histoires, quand même, après tout. Et donc, tu es obligé de simplifier un peu les choses. Et finalement, en simplifiant les choses, tu racontes des erreurs, quoi. Parce que, typiquement, enfin, moi, je vois souvent sur les sites écolo, un peu, qui traitent de Jared Diamond. Donc, Jared Diamond est très, très lu par les gens qui sont écolo, évidemment, parce que ça va dans leur sens. Et ils ont tendance à sursimplifier un petit peu ce que lui raconte. Dans le sens où ils disent, regardez, si on continue à massacrer la planète, on va tous mourir parce qu'on n'aura plus de quoi manger. Alors, ce qui n'est pas faux, hein, c'est sûr que si on stérilise tous les écosystèmes de la planète, on n'aura plus rien à manger. Mais il y a aussi un autre aspect, en faisant ça, ils sursimplifient, quoi. Ils font comme s'il y avait un seul facteur, alors qu'il y en a plein d'autres. Complètement. Voilà. Oui, c'est plus que la vulgarisation, c'est son mauvais usage, parce qu'on peut faire de la vulgarisation comme tu l'as fait dans ta vidéo, en disant on n'explique pas tout et on... Oui. Mais arrêtez de lui faire des compliments. C'est pour la chatroom qui faisait la remarque du coup que tu étais l'ennemi de la science, donc j'essayais de te défendre. Ah oui, non, mais je pense, là je parlais de... J'avais en tête la mauvaise vulgarisation, si tu veux. La vulgarisation à la... oups, j'ai failli lâcher un nom. Non, mais tu sais, les sites militants où tu vois des mecs qui sursimplifient tout. Je vais en parler dans une prochaine vidéo, justement, de ces trucs là où les mecs, en fait, ils te fabriquent des petites histoires. Ils prennent un résultat scientifique et ils le violent complètement en récupérant juste ce qui les intéresse, et ça m'énerve. C'est pas que la vulgarisation, hein. Dès le niveau de la science, tu peux avoir ce genre de dérive assez rapidement dès que tu mets trop de... Ben, je pense que ouais. Hashtag Serralini, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, par exemple. Non, mais je pense au truc carrément délirant des Russes là, de on avait fait un épisode sur lui là où là ça va très très loin, mais Lysenko, voilà, c'est ça. Lysenko, c'est vraiment le pire de ce qui s'est fait dans la science. on a quand même plein d'exemples de gens comme ça qui prennent un petit peu ce qui les arrange. Je sais plus aussi, j'avais entendu parler d'une théorie russe et d'une théorie américaine sur la formation des satellites naturels, où il y en a un qui dit que c'est un gros qui bouffe tous les autres et l'autre qui dit que c'est plein de petits qui grossissent petit à petit. Bah, c'est assez évident que même quand tu fais de la science, tu es influencé par beaucoup de choses qui ne sont pas scientifiques. Ouais. Bah pour le coup, oui. Enfin, tu surtout sur des sujets qui sont aussi complexes et aussi humains. Quoi. Et donc, on en arrive à la fin, j'imagine. Pas du tout. On en arrive au milieu. Non, on va arriver au dernier point. Ah d'accord, voilà. Ouais. C'est bien ce que donc je voulais ici, dire. On a parlé finalement de crise, de catastrophe, d'événements particuliers, des signes noirs de Nassim Nicholas Taleb, qui sont finalement des changements qui sont très brutaux et qui vont avoir des conséquences locales, globales, directes ou indirectes sur les systèmes. Or, le changement, il peut également se produire lentement par des processus qui s'inscrivent dans une tendance. C'est le cas avec l'évolution actuelle du climat et en particulier l'élévation du niveau de la mer ou des températures. Je vais pas m'empêcher, il faut que je l'interrompe. En gros, tu dis le changement, c'est lentement, c'est ça? Le changement, c'est lentement. Pardon. Il n'y a pas de problème. 2017, fait campagne. Voilà, c'est ça. Donc c'est le cas avec l'évolution actuelle du climat et en particulier l'élévation du niveau de la mer ou des températures. Je rappelle brièvement que la relation entre événements climatiques brutaux et changements climatiques est très complexe à établir. Donc c'est pas parce qu'il y a plein de tempêtes pendant un hiver que forcément c'est la faute du changement climatique. Donc ces changements, les changements qui sont relativement lents, ils vont modifier finalement petit à petit les conditions ici de l'environnement. Et comme les événements brutaux, provoquer l'évolution des systèmes. Alors pourquoi parler ici des différents modes d'évolution des systèmes, enfin des sociétés dans leur environnement? D'abord parce qu'on entend souvent parler, mais seulement d'une seule manière. Le changement climatique va nous mener à la fin du monde, on va tous mourir, etc. etc. C'est comme si dans cette vision complètement catastrophiste évidemment, tout changement était mauvais et allait forcément causer notre perte à nous, tous les humains, alors qu'en fait pas forcément du tout, il peut se passer des choses très bien quand on change et qu'on évolue. Donc je vais prendre ici la théorie exposée par le professeur Jean-Louis Lemoigne, qui utilise deux notions pour décrire l'évolution des systèmes. Donc là aussi, c'est assez modélisant. La première notion, c'est l'environnement du système. Donc un système, on considère l'intérieur, entre guillemets, du système, mais aussi son environnement, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de ce système, mais qui va quand même l'influencer. Si on étudie un agro-système, les vignes ou les champs, les agriculteurs, les routes, etc. feront partie du système, alors que le climat ou les politiques européennes agricoles, par exemple, feront partie de son environnement. La deuxième notion, elle est appelée les projets du système, pour ne pas dire les finalités du système. Et ça, c'est évidemment assez complexe, cette notion de finalité dans l'évolution. Et que, voilà, on a là un espèce de paradoxe, on a une différence par rapport à ce qui est admis en biologie en particulier, qu'il n'y a pas de finalité dans l'évolution et dans la sélection naturelle, et qu'on observe justement dans les socio-écosystèmes, où il peut exister une finalité. Par exemple, dans le champagne, l'objectif, c'est de cultiver les vignes pour faire du champagne. Donc la finalité du système qu'on va regarder là, c'est de faire du champagne. C'est de faire la fête. C'est de faire la fête, exactement. C'est, voilà, c'est de faire du champagne. Donc en systémique, en géographie, on parle quand même... là, lui, il utilise la notion, le terme de finalité. Je ne voulais pas faire hurler toute la chatroom et tous les gens qui sont là aujourd'hui. T'es maquée avec un biologiste, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est pour ça. Voilà. Donc finalement... là, on est dans des notions de terroir, de tradition, de sentiment, d'appartenance à une région ou à un groupe. Finalement, on est complètement dans notre sentiment d'attachement ou dans notre volonté à préserver ou à conserver les territoires. Donc le champagne, on veut conserver le champagne parce que c'est historiquement ou économiquement extrêmement valorisant pour la région. Là, tu veux dire qu'il peut y avoir sur un système plusieurs finalités, ça ? Il peut y avoir, effectivement, il peut y avoir plusieurs finalités. Ça peut être économique et culturel, par exemple. Et d'ailleurs, qui peuvent être dépendantes de ce que tu dis, de l'environnement de ce système. Parce que moi, typiquement, quand tu me parles de finalité, notamment vis-à-vis de certains agriculteurs, et qu'à un moment, un environnement, je sais pas, les lois à échelle européenne pour mettre en jachère, la finalité, elle a changé, quoi. Et donc, complètement. L'agriculteur ne produit plus, mais... Complètement. D'accord. D'ailleurs, je vais en parler. Donc, si l'environnement change, donc Pierre vient de nous faire une petite démonstration, il a tout compris. Ok. Si l'environnement change, mais qu'on souhaite toujours faire du champagne dans notre système champagne, alors le système doit s'adapter. Et lorsqu'il s'adapte, on développe une capacité de réponse, et cette réponse, elle peut se faire de trois manières. Soit en ajoutant de nouveaux éléments dans le système, par exemple, si les températures augmentent et que les précipitations diminuent en Champagne, on va pouvoir par exemple ajouter des bornes d'irrigation dans les vignes. Ou bien on va instaurer de nouvelles relations entre les éléments qui existent déjà dans le système. Par exemple, on va pomper l'eau de la rivière voisine pour l'irrigation. Ou bien encore, on va innover. Par exemple, on pourra introduire des nouveaux cépages qui sont mieux adaptés. Donc les cépages, c'est les pieds de vigne particuliers, c'est des espèces de races de vignes. La variété, ouais. Voilà, une variété, exactement, qui est mieux adaptée. Cette situation, elle est extrêmement fréquente et elle renvoie à notre préférence pour les choses qui ne changent pas ou qui ne bougent pas. On s'installe préférentiellement près des littoraux ou des rivières, mais on va, par exemple, tout faire pour les fixer dans l'espace, pour pas qu'ils changent dans le temps. Alors que, naturellement, c'est des éléments qui vont complètement changer. Le trait de côte, il bouge naturellement, c'est évident. Tout comme le tracé des rivières, il évolue. On a des chenaux, des chenaux ou bien des... Voilà, il y a des très, très jolies animations, d'ailleurs, sur Google Earth, que vous pouvez voir. Exactement. Sur la dynamique voilà. Des changements. Ouais, exactement, c'est magnifique. Ça fait des très belles images. Donc, comme je le disais tout à l'heure, après la révolution industrielle en France, on a aménagé le territoire pour diminuer les risques et on a fait ça grâce à une ingénierie lourde. Des digues, des murs, des chenaux, etc. Aujourd'hui, les aménageurs se rendent compte que tout cela, d'abord, c'est cher. Ensuite, il faut toujours l'entretenir, voire reconstruire ces aménagements. Et que lorsqu'il y a des événements qui dépassent la capacité de protection de ces aménagements, le danger est plus grand. Alors, pourquoi est-ce que le danger est plus grand ? Je vais vous parler de Xynthia, qui est aussi une tempête, qui s'est passée en France, cette fois-ci en 2010, et qui a fait 59 morts. Donc on est à la Fosse-sur-Mer, en Vendée, et le quartier qui a été détruit, il était protégé par des digues, qui ont été submergées lors de la tempête Xynthia. La situation est plus dangereuse pour deux raisons. D'abord pour une raison purement mécanique. Comme je disais tout à l'heure, la mer qui submerge des digues va engendrer un blocage de l'eau derrière ces digues. Finalement, l'eau, elle va stagner et ne pas s'évacuer. Donc ça pose évidemment des problèmes qui durent en plus dans le temps. La deuxième raison, c'est elle relève cette fois-ci de nos perceptions du danger. Quand on habite derrière des hautes digues comme à la Fosse-sur-Mer, on pense et on nous dit qu'on est protégé. Et comme on croit qu'on est protégé, on va agir en conséquence. Que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la commune, voire même à une échelle plus grande. Il n'existe pas de prévention avant la crise, puisqu'on est protégé, pas besoin de se protéger. Il n'existe pas de système d'alerte au niveau de la commune, par exemple. Et les personnes, individuellement, ne prennent aucune mesure pour se protéger lorsqu'une tempête arrive. Par exemple, on ne part pas, on reste, on ne monte pas les meubles au premier étage, et en l'occurrence en Vendée, les maisons vendéennes sont souvent de plein pied, donc il n'y a pas d'étage, donc on ne peut pas se protéger. Donc lorsque nos perceptions nous conduisent à mal prévoir les dangers et que les actions qui sont mises en œuvre à cet endroit « dangereux » entre guillemets ne sont pas adaptées, on peut dire que la population est du coup très vulnérable. Donc à ajouter effectivement aux politiques de gestion, il faut vraiment insister sur les perceptions qu'on a du danger. Est-ce qu'on se sent en danger ? Et auquel cas on est potentiellement moins vulnérable parce qu'on sait qu'il peut se passer quelque chose, ou est-ce qu'on n'est pas du tout au courant qu'il y a un danger, et auquel cas là on est forcément très vulnérable parce que s'il arrive quelque chose, on n'est absolument pas prévenu et on ne sait absolument pas comment réagir. Je fais une pause. Ce suspense. Oui, c'est clair. Donc au final, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que suite à ce genre de drame, il y a des réactions. Et il existe maintenant en France des plans de prévention des risques. Alors il y en a plein qui vont des inondations, donc plan de prévention des risques des inondations, aux problèmes de bruit, donc plan de prévention des risques du bruit dans l'environnement. Et que ça améliore notre capacité à nous adapter avant, pendant et après les crises. Au final, lorsqu'on réagit, ça fonctionne, on s'adapte et on est capable de changer. Je reviens à mon exemple du champagne. Allons-y. Maintenant, on change, on sent que c'est plus l'environnement qui change, c'est les projets qui changent. Par exemple, si le champagne ne se vend plus, il n'y a plus aucun intérêt à en produire, alors le système doit aussi changer et s'adapter. On appelle ça en géographie une bifurcation, en systémique. Par exemple, on va modifier les éléments internes du système. Par exemple, le vignoble se transforme en zone de pâturage. Là, on a une bifurcation du système, on n'a plus la même finalité. C'est ce dont tu parlais un peu tout à l'heure avec les politiques d'une certaine manière. En tout cas, là où tout change, les cas pardon, où tout change sont également extrêmement fréquents et c'est les plus courants en particulier actuellement puisque l'environnement change, le climat est en train d'évoluer, donc forcément on a forcément des systèmes où les conditions climatiques évoluent, donc ils sont extrêmement fréquents et les décisions prises vont permettre une adaptation et ça on en parle quand ça a fonctionné, on n'en parle pas du tout. Soit les décisions ne sont pas du tout adaptées. Quand on a donné un permis de construire en zone inondable, alors qu'on sait très bien que la zone est inondable, forcément, on va pas dans le bon sens. Et on va tendre, finalement, vers un plus grand déséquilibre. Quand on donne des mauvaises billes, entre guillemets, quand on prend des mauvaises décisions, on tend vers un plus grand déséquilibre du système qui pourra aller jusqu'au collapse ou à l'effondrement du système étudié ou de la société. Donc il y a plein d'exemples qui sont renseignés sur ces systèmes ou sur des sociétés qui se sont effondrées, donc les Malias, l'Empire romain, plein d'autres, et puis d'autres à des échelles beaucoup plus fines, à des échelles beaucoup plus petites, des petits groupes d'humains qui habitaient à un endroit et hop, on a eu des conditions qui ont complètement changé et qui ça aboutit soit au départ des gens, soit à leur mort finalement. Et ça, de quelle manière c'est analysable sans... J'ai l'impression que sans données historiques, en fait, on ne peut pas pouvoir retracer ça. Est-ce que ce genre de décision envoie des signaux qui sont interprétables d'un point de vue autre que historique ? Genre actuellement ? Ouais. Si on a un problème... Par exemple, tu as une île, si tu l'observes et que tu la connais par cœur, est-ce qu'on peut prédire à l'avance ? Soit prédire, soit avoir juste... En gros, tu sais que, par exemple, si tu construis sur des zones inondables, est-ce que ça envoie, d'une certaine manière... est-ce que tu peux interpréter, le nombre de personnes qui se plaignent d'infiltration d'eau comme un signal d'une mauvaise décision ? Oui, je pense. Vous êtes gentil. mais justement, est-ce que c'est parti ? Est-ce que ça fait partie d'une... Je sais pas, d'un système de recherche en géographie, en histoire. Oui, en... complètement. Moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé, par exemple. D'accord. Enfin, tu peux peut-être en parler. J'ai étudié donc une île en Tunisie entre les années 60 et 2010, donc quelque chose qui est plutôt ce qui se passe actuellement, hein, complètement. Donc, on est dans un contexte où le climat devient plus chaud. Ouais. Il n'y a pas forcément de changement dans les précipitations, mais le climat devient plus chaud et le niveau de la mer s'élève. Et l'île sur laquelle j'ai travaillé, elle fait 13 mètres d'altitude au maximum, donc c'est vraiment très plat. Ouais. La majorité des terres sont en dessous de 2 mètres, donc c'est vraiment très très plat. Wow. Et donc c'est un exemple. Donc on a un climat qui est plus aride, qui tend vers une aridité plus grande à cause des températures plus fortes. On a eu dans le passé des sécheresses importantes sur le nord du Maghreb et qui ont conduit à... Voilà, une évolution dans les pratiques agricoles. Enfin, les pratiques agricoles qui étaient adaptées avant. Hein. Mm-hmm. Faut bien penser qu'avant, c'est pas forcément mauvais. Donc, elles étaient bien adaptées avant. Commencent à ne plus être vraiment adaptées à ces nouvelles conditions climatiques et puis à l'élévation du niveau de la mer qui engendre une salinisation des sols. Ouais. C'est un peu compliqué, mais c'est assez cool. Okay. Et du coup... L'État, donc Ben Ali, l'État sous Ben Ali, et ils ont installé des périmètres irrigués pour justement pallier cette aridité, les températures les plus élevées. Alors est-ce que c'était une bonne décision ou pas ? À la base, je vois pas trop pourquoi ce serait une mauvaise décision. C'est plutôt, oui, d'accord, ok, on veut continuer à faire de l'agriculture, on installe des périmètres irrigués, très bien. Mm-hmm. Sauf que l'eau d'irrigation, elle est saumâtre. Donc elle est un peu salée, elle est à moitié salée. Et que, donc dans les périmètres irrigués en eux-mêmes, il y a un système de drainage. Donc on va récupérer l'eau qui est très salée, très concentrée en sel, et on va l'éjecter dans la mer. Mm-hmm. Mais qu'on a une espèce d'anarchie, une utilisation de l'eau qui n'est pas très bien raisonnée, et on utilise l'eau saumâtre en dehors des périmètres drainés, sur des sols donc qui ne sont pas drainés. D'accord. Donc on a là-dessus une accumulation de sel. Et donc forcément, on renforce la vulnérabilité des gens, des agriculteurs, puisque les sols deviennent de plus en plus salés. Okay. Donc on a à un moment donné une décision, en 1995, on installe des périmètres. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des raisons, on avait a priori des bonnes raisons de le faire, mais finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, c'est pas une si bonne décision que ça. Donc voilà, par exemple, ça c'est le genre de choses qui peuvent se passer actuellement, qu'on peut étudier actuellement. Ah ça répond à mes questions, c'est parfait. Donc en gros, ça fait partie des domaines de recherche de la géographie. Ça fait complètement partie de complètement. Mmh. Surtout avec ce qui se passe actuellement avec l'évolution du climat, etc. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de la prédiction ou t'as prévu... Vas-y. Non, parce que finalement, on en parlait tout à l'heure, et puis là, par rapport au réchauffement climatique, je pense que c'est un truc qui intéresse peut-être les gens, c'est-à-dire savoir si on peut réussir à prédire à l'avance les effets du réchauffement climatique, et est-ce qu'on peut réussir à prédire l'histoire dans un contexte changeant, etc. etc. C'est un truc dont on parlait tout à l'heure. L'histoire actuellement, est-ce que la cléodynamique même, qui essaye de le faire, est une science prédictive? Et je pense que pour le moment, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à prédire 2-3 trucs. Il y a des mecs qui ont réussi, par exemple, à prédire les émeutes de la faim en regardant l'évolution des prix de la bouffe, en fait, de certains types de denrées vraiment de base. Et ils ont regardé, tiens, si on dépasse ce seuil-là, pouf, à chaque fois, il y a un mouvement, un soulèvement social. Donc, mais on n'a pas vraiment encore de modèle de prédiction suffisamment développé pour réussir à faire une prédiction à l'échelle d'une société. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que finalement, on a des sociétés qui sont tellement complexes et avec des effets de rétroaction, etc., etc., que même face à une forte contrainte comme le réchauffement climatique, on n'est pas capable d'arriver à dire qu'est-ce que sera le futur. Tu parlais des signes noirs de Taleb. C'est un truc assez intéressant, c'est par exemple la question classique, qu'est-ce qui se serait passé si jamais Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts, tu vois, ou qu'est-ce qui se serait passé si jamais je sais pas, n'importe quel grand personnage, si De Gaulle s'était fait flinguer pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vois, si Bonaparte n'avait jamais été empereur. Donc ces événements-là en fait sont pas du tout pris en compte dans les modèles actuels. Parce que c'est très compliqué de les prendre en compte. Ouais, voilà, c'est des événements extrêmes, etc., etc. Et je trouve intéressant de se dire que finalement peut-être un jour on va réussir à prendre en compte ce genre de choses. Peut-être pas de façon aussi précise que ce qu'on voudrait, mais peut-être que formellement, enfin, on va réussir à trouver les formalismes mathématiques intéressants pour les prendre en compte. Mais qu'en attendant, finalement, les meilleurs outils qu'on ait, c'est soit de faire des trucs très très généraux comme ce que fait Peter Turchin. C'est-à-dire que lui, il voit par exemple des patterns, donc des répétitions, tous les 50 ans, il y a un événement de violence. Soit, en gros, et ça je trouve ça rigolo, c'est que l'autre gros outil qu'on a pour essayer d'explorer le futur, c'est la science-fiction, en fait. C'est sorti déjà dans le chatroom, la psychohistoire. Voilà, alors voilà, bon, la psychohistoire de Asimov, c'est donc pour ceux qui connaissent pas, ça vient de la trilogie. Ouais, je crois que c'est une trilogie de Fondation. Mais après, il en a fait deux autres après. Donc voilà, ça, c'est ça. Après, il y a la suite de Fondation qui sont moins bien. Mais bon, bref, en tout cas, dans Fondation, en fait, le pitch, c'est que il y a un mec très très fort qui s'appelle Harry Seldon, qui est mathématicien mais expert et qui arrive à créer la formule qui permet de prédire le futur de l'humanité. Voilà. Et en gros, sa formule, le seul truc que ça demande, c'est que les gens soient pas au courant qu'en gros, il y a cette formule qui existe. Du coup, il emmène sa formule sur une autre planète, etc. Et bon, c'est toute une histoire qui est vachement intéressante à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'a pas encore cet outil-là. On n'a pas encore la fameuse formule de Harry Seldon. Et tout ce qu'on a, c'est des modèles un peu basiques, issus de l'écologie, qui permettent de dire, tiens, tous les 50 ans, il y a des événements de violence aux États-Unis. Bon, mais ce que je trouve rigolo à titre personnel, c'est que finalement, si on veut essayer d'explorer le futur et ses conséquences, ben, ce qui nous reste, c'est peut-être des trucs vachement plus littéraires, du style ben, essayer d'imaginer une uchronie, quoi. On sait pas, c'est super difficile. On peut pas mathématiser finalement qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer d'imaginer un scénario dans lequel Hitler aurait été accepté aux Beaux-Arts. Et c'est ce qu'a fait Manuel Schmitt, je crois. Ouais. Et puis voilà, l'homme du haut château, tout ça. Voilà. Tu dis qu'on peut pas trop simuler ça et tout, mais il me semble qu'on y arrive. On pourrait un peu en comparant des, surtout dans les périodes contemporaines, en comparaison des peuples à peu près de même richesse, mais qui sont gouvernés par des gouvernements qui ont rien à voir. Et on en a quand même là pour le coup. On a peut-être pas tout le panel de ce qu'on pourrait avoir en type de gouvernance, mais on a quand même des variétés pas négligeables, quoi, pour commencer. Pour les structures de gouvernance, je suis d'accord, mais par exemple pour, disons, l'influence d'un personnage particulier, donc là on parlait des signes noirs, Nicolas Taleb, c'est un peu son truc, c'est de dire, un événement exceptionnel qui arrive une fois tous les 5000 ans, tu peux pas prédire en fait ce qu'il va faire. Ouais. Tu vois, parce qu'il est, par définition, il obéit pas trop à des lois statistiques. en tout cas pas aux distributions classiques, genre loi normale, tout ça. Et ce type d'événement-là, en fait, bah, tu peux pas vraiment le faire par comparaison, parce que par définition, t'as pas le... Tu peux comparer, je sais pas, la loi des grands nombres ne fonctionne que quand t'as des grands nombres, je veux dire, si tu veux commencer à essayer de faire des liens de cause à effet, enfin, ou au moins des corrélations entre deux événements, si c'est un événement qui arrive trois fois, c'est clair que c'est foutu. Ouais, bah voilà, typiquement, c'est un peu... Et le grand homme, c'est... Je trouve ça assez rigolo que tu dises que l'équation, on l'a pas encore, comme si un jour on l'aura, mais... Bah pourquoi pas ? C'est-à-dire que, bah par exemple, t'as eu un projet, donc ça faisait partie des fameux gros projets de recherche qui ont été financés par... par l'Europe, là, donc t'avais, j'ai oublié le nom de ces trucs-là, mais t'avais le Human Brain Project, je pense que c'est celui-là, enfin, ça c'est le truc des États-Unis, mais alors il y a le Big ou Blue Brain, je sais plus quoi, enfin bref, il y a l'équivalent européen qui, dont le but est de simuler un cerveau aussi. Et t'avais celui-là en compétition avec un autre dont le but était de simuler une société, en fait. Enfin, si, ouais, et t'as plein de projets de simulation de société, en fait, ça existe, c'est un champ de recherche complet. Donc je me dis, si ces gens-là bossent là-dessus, attendons, je sais pas, 50, 100 ans, peut-être qu'un jour on arrivera à avoir des sociétés extrêmement complexes, et peut-être qu'un jour on arrivera à ces fameuses algorithmes. Hein ? On sera tous morts ? Non, elles seront en grève. on y arrive déjà pas pour la météo, donc... Non, attends, la météo, faut pas déconner. Non, mais je trouve que... Non, mais je veux dire, c'est un truc, on peut démontrer scientifiquement pourquoi on sera un foutu de... On sera un foutu de prévoir le temps qu'il fait dans un temps trop long, donc je veux dire, c'est... Mais alors, je trouve le comparatif avec la météo est vachement intéressant, parce que finalement, t'arrives pas à faire des prédictions météorologiques sur la semaine qui soient extrêmement précises localement. Par contre, tu peux faire des tendances climatologiques. Oui, tu peux faire du climat. Et ben c'est un peu ça, je pense, ce qui est le projet, finalement, des gens qui veulent faire de la cléodynamique ou de la psychohistoire, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais tu vois, c'est essayer de dégager des grandes tendances. Peut-être qu'un jour, on arrivera à être un peu plus souple que ça. La suite de ça, c'est... en fait, l'idée, c'est que tu as envie qu'on arrive à construire des leaders ou des façons de leader pour aller dans une bonne direction écologique, etc. En fait, c'est un peu la suite directe de ça, quoi. Et écologique, ouais, c'est... Je sais pas si j'ai utilisé les bons termes, hein, mais... Ouais, ce serait un peu ça. Alors après, le problème, c'est que dire qu'il y a un bon truc, ça nous rapproche un petit peu plus du nazisme, hein, c'est de dire qu'il y a une bonne solution. Non, mais ce qui est amusant, c'est que, en fait, là, tu pars sur on est parti sur des choses très scientifiques et des études des environnements pour en arriver à des conclusions où il y a un peu, enfin, tout ce qui se passe en géopolitique, c'est un peu ça, c'est de créer des mouvements sociaux, humains, avec des leaders créés ou non, pour générer des conséquences sociales et économiques dans des régions, quoi. Oui, c'est de la science qui est extrêmement... Et on est complètement là-dedans, là, en y rajoutant un côté écologique, en disant, bon, ben là, si on veut qu'on arrête de polluer, il faut qu'on mette tel type de leader qui va faire tel type d'action dans cette direction-là, quoi. Je sais pas si on arrivera à ce niveau-là de précision un jour, mais je trouve ça assez intéressant. Ça me paraît hyper dangereux. Enfin, je pense que c'est très... On est complètement en train de vivre ça avec l'économie aujourd'hui, où on prétend que l'économie est une science dure qui sait exactement ce qu'il faut faire pour résoudre le problème du chômage, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais, alors je trouve le rapport avec l'économie... pour l'instant, personne ne sait prédire, finalement... T'écoutes certains économistes, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Enfin, Ouais, alors je sais. C'est une volonté qu'ils ont, et ils sont beaucoup plus avancés, et a priori, on pourrait presque plus y croire que pour la politique, puisque finalement, l'histoire, la politique, ça englobe l'économie, c'est encore plus complexe, quoi. Oui, je suis d'accord. Le truc, c'est que l'économie expérimentale, c'est un truc qui est tout neuf. Et en vrai, les gens qui bossent là-dessus, enfin, moi, je connais pas non plus des masses au sujet, je suis pas économiste, mais. Les gens que je connais qui font de l'économie expérimentale, c'est plus des gens qui font de l'économie de la pauvreté, comme Esther Duflo, où elle s'amuse à... Enfin, elle s'amuse, elle fait ça extrêmement bien, d'ailleurs. Je comprends pas qu'elle ait pas encore un Nobel. C'est qu'elle donne des... elle regarde qu'est-ce qui motive les gens à sortir de la pauvreté, quelque part. Donc, tu vois, enfin, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'autres personnes qui fassent vraiment de l'économie expérimentale en dehors de ces domaines-là. Donc, par rapport à des gens qui diraient qu'ils ont la solution, est-ce que ces gens-là ont vraiment des arguments qui sont vraiment scientifiques, ou est-ce que c'est juste des trucs qui sont plus politiques? Enfin, Ça sera toujours mêlé. Si quelqu'un arrive et qui dit j'ai la vérité, ça sera toujours sujet à discussion. Ah oui, complètement. Ouais, mais je pense et en que... plus, tu risques d'avoir le syndrome de ce que tu disais dans le bouquin que je n'ai pas lu, là, mais de à partir du moment où ça se sait, ça se modifie en direct. Donc, c'est auto-modifiant, je ne sais pas comment on peut dire. Tu fais une prophétie auto-réalisatrice. Ouais, mais autoréalisateur ou pas justement. Ou pas, à l'inverse, ou à l'inverse. Critique. Mmh. Ouais. Ou critique. Et enfin, c'est là que je vois pas comment tu peux mettre une chose aussi complexe. Ne serait-ce déjà l'humain, j'y crois pas. Déjà. Bah, je pense en fait l'énorme problème, ce serait de croire qu'il y a une impossibilité de principe en fait. Parce que si tu pars sur le principe que c'est pas possible de faire ce genre de science, alors c'est même pas la peine d'essayer, tu vois. C'est pas que c'est impossible, c'était quand tu disais on aura un jour l'équation qui dit que, tu vois. C'est... Bah, pourquoi pas, en fait. Bah, je pense pas qu'on puisse tabler sur le fait qu'un jour la science sera terminée, quoi, disons. Ça veut pas dire que tu peux pas trouver une solution, une équation. Je dirais pas que la science est terminée. C'est un petit peu comme la même chose de dire tiens, un jour on va réussir à séquencer le génome entier de telle espèce, ou on va réussir à prédire avec une précision de 100% le comportement d'un nématode. Aujourd'hui, je pense qu'on peut réussir à faire des modèles très très compliqués qui permettent de prédire à 100% le comportement d'un nématode à un instant T, en fonction de ce qu'il a fait dans tous les instants précédents. Pour ça, il faut donner sous la recherche, c'est pas possible. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que finalement, on peut prédire le comportement d'un nématode, on peut réussir même dans certains cas à prédire l'évolution d'une espèce, à prédire quel type de génome elle aura dans, allez, disons, 5 ans. Bon, on n'en est pas là, mais un jour, je pense que ce sera possible. Enfin, là, je vois pas... ou quel pourrait être le problème. Je me dis, bah, pourquoi pas, pour des sociétés humaines, avoir ce type d'outil prédictif. Qu'est-ce qui s'opposerait vraiment, quelque part, à pouvoir le faire ? L'éthique, peut-être. Ouais, mais c'est pas un argument scientifique, ça. C'est-à-dire, tu peux, non, tu c'est peux être gêné à l'idée de le faire, mais ça t'empêche pas scientifiquement de le faire, c'est pas un obstacle. Oui, mais ça peut être une des limites. Ah oui, ça peut empêcher. Un des empêchements de le faire. Bah, parce qu'effectivement... Il y a, à l'heure actuelle, des freins éthiques à certaines recherches, et on... C'est clair. On peut en parler, par exemple, l'expérimentation sur l'embryologie humaine, c'en est un. Hein. Combien de temps avant que ça saute, ça, d'ailleurs, en parlant de ça? Je pense qu'en Chine, ils ont déjà commencé, non? Honnêtement, c'est pas ça, aussi... Oui, non, bien sûr, ils l'ont fait, mais sur un truc avorté. Il a fallu attendre 2 semaines, quoi. Vraiment, tu penses que l'éthique peut vraiment geler une recherche comme ça aussi intéressante pendant longtemps? Enfin, en tout cas, Typiquement, vis-à-vis de toi, ce que tu avais parlé des croisements chimpanzé-humain... Il y a, je pense qu'il y a des limites... Parce qu'il n'y avait aucun intérêt derrière. Mais dès que tu mets un intérêt commercial, financier, c'est sûr qu'on s'en fout de croiser un chimpanzé avec un humain. Donc toi, tu penses que c'était un frein uniquement économique? Oui, je suis extrêmement cynique là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si un jour tu sors un algorithme qui permet de prédire le comportement d'une population à telle chose, je vois très bien quel type d'intérêt peut y avoir à faire ce genre de choses, donc j'imagine très bien qu'il puisse y avoir de l'argent là-dedans. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des recherches en psychotropes qui pourraient permettre de contrôler de masse des populations qui auraient pu être financées, etc.? Quels étaient les freins derrière cette recherche-là? Pour contrôler les masses de population. Typiquement, il y a eu à un moment des tests qui étaient faits sur de LSD sur des populations entières d'un village, etc. Et c'est plus... Parce que ça marchait pas, en fait. C'est pour ça. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas, le MK Ultra. Et pareil, c'est juste... Je pense que ça a été tenté et ça a pas marché. Ça aurait marché, je pense qu'on serait tous... Ok. Donc c'était soirée chocotte aussi. Je suis peut-être un peu cynique, mais je pense qu'à partir du moment où t'as des intérêts... derrière, c'est normal de faire de la science dessus. Enfin, les gens... J'ai lu plusieurs interviews de Charpentier qui a inventé CRISPR-Cas9, et elle dit la même chose que toi, Léo. Dans toutes ses interviews, elle dit qu'elle pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on ait un bébé CRISPR. Quoi. En fait, c'est pas l'histoire générale des sciences, ça. Parce qu'à chaque fois que t'as un truc qui est dégueulasse, c'est la seule limite, c'est pas l'éthique. Hein. Mais attends, je sais pas, l'atome par exemple, tout le monde savait à quel point c'était extrêmement violent de faire de la fission nucléaire, et c'est oulala, faut pas le faire. Tu parles, 5 mois après, t'avais le projet Manhattan. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était un contexte assez particulier aussi. Justement, c'est ça que je me demande. C'est typiquement par exemple pour l'expérimentation humaine chimpanzée, c'était aussi un contexte de guerre, tu vois. Je me demande. En fait, il y a eu un seul chercheur qui a tenté ça. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de programme de recherche, contrairement à. Oui, non, mais et c'est pareil pour le LSD. Je me demande dans quelle mesure, à partir du moment où ça a été fait par un système de recherche de défense, à quel point tu peux envisager ça autre part que dans un contexte de guerre, et non pas économique. Alors par rapport à essayer de créer genre ce fameux algorithme qui permettrait de prédire le futur de l'humanité. Quel est déjà l'incentive économique, on va dire le... Je sais pas, si tu voulais vendre un truc à une population en entier pendant 50 ans, ça serait... Ou tu voudrais contrôler une population particulière pendant une longue durée, ça me semble tellement utile pour tous les décideurs, je vois pas comment les gens peuvent ne pas travailler dessus, en fait. Tu le vois toi-même l'intérêt, enfin, je vois l'intérêt, mais j'ai quand même parfois un espoir en certains freins éthiques. Peut-être qu'il n'est pas partagé par l'intégralité des civilisations, mais... LOL MDR, JPP. Mais c'est sûr que ça peut être très dangereux. Hein. En fait, c'est comme, avis, comme... dans ce genre de domaine, ouais, effectivement, s'il y a un frein, il faut que ce soit un frein scientifique, comme disait... c'était qui disait ça d'ailleurs ? Qu'il y avait peut-être on n'arriverait jamais à le faire. Robin. C'était les jeunes ? Ah, Robin. Mais ouais, je pense que ce genre de truc, pour moi, bon, je suis peut-être naïf, hein, je ne suis pas expert dans le domaine, mais je suis peut-être... Ouais, un petit peu. Ouais. Mais disons que si un jour on arrive, par exemple, à prédire, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait dans la science des réseaux, tout ça, un jour on arrive à prédire très finement le comportement d'un écosystème dans le temps, soumis à différentes contraintes, je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on applique ce type de science à des sociétés, même en réduisant les humains, finalement, chaque individu, tu le réduis à une espèce d'agent avec très peu de propriétés, tu vois, enfin, tu fais un modèle simplifié, mais peut-être que ça aura une portée prédictive suffisante pour que ce soit intéressant économiquement, etc. Et je vois pas ce qui empêcherait quiconque de bosser là-dessus, et peut-être même que ça pourrait avoir des résultats scientifiques extrêmement intéressants. Quiconque bossait dessus, absolument aucun problème. Lancer des recherches, aucun problème. Après, l'appliquer, c'était vraiment la question que soulevait Lucille. Là, je pense qu'il y a une question. Et en même temps, c'est vrai qu'on a en même temps une capacité à ne pas faire ce qu'on nous dit de faire. Une capacité de réponse et de critique. Et de... Ouais. En France en particulier, on est champion pour faire la grève et pour ne pas être d'accord. Du coup, si on nous dit « Ah bah, dans 50 ans, tu verras, y aura des... » émeutes, etc., on a aussi une capacité de réponse et de réflexion et de prospective de nous, de penser, il faut pas qu'il y ait... Mais ça se trouve, ça se serait implémenté, justement. Ça serait déjà... Peut-être, ça, voilà. De base, tu mets un gros système d'inertie sur... Voilà. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'un jour, on sera capable de prédire l'évolution des sociétés ou d'un facteur particulier, d'un indicateur, je sais pas, typiquement l'évolution de la violence ou ce genre de choses... Peut-être qu'on serait capable de le faire. Honnêtement, personnellement, je vois aucun problème scientifique qui s'oppose à le faire. J'ai l'impression qu'on est en train aujourd'hui de développer les outils qui nous permettront de développer ce type de. C'est sûr qu'on va vers une complexification des modèles. Ils prennent en compte de plus en plus de facteurs qui sont extrêmement complexes dans différentes couches, en particulier les modèles climatiques. Là, je parle des différentes couches de l'atmosphère, de la mer, le couplage entre la mer et l'atmosphère, avec les émissions de gaz à effet de serre des humains, etc. Effectivement, on va vers une complexification des systèmes. Il y a un autre, une autre métaphore, c'est peut-être les modèles de cerveau. Aujourd'hui, t'aurais dit il y a 10 ans à quelqu'un, on va essayer de modéliser le cerveau en ordinateur, il t'aurait rigolé au nez en te disant, mais le cerveau, c'est une complexité irréductible, etc., etc. Aujourd'hui, c'est exactement ce que tentent de faire les gens en créant des modèles avec des milliards de neurones interconnectés, et il te faut genre une année complète de calcul pour réussir à faire un cerveau, entre guillemets, un cerveau qui réfléchit pendant une seconde en ordinateur. Mais je pense qu'un jour, on arrivera à faire des cerveaux in silico. Et je vois pas, enfin, il n'y a pas de limite réelle scientifique à ça. Il n'y a pas de vrai obstacle. C'est pas ce que tu appelles une limite scientifique, en fait. C'est peut-être ça qu'il faudrait que tu définisses. Je sais pas, par exemple, le typique un truc mathématique qui fait que tu peux. Ou, genre la vitesse de lumière. Voilà, la vitesse de lumière, ou le principe d'Heisenberg, où tu peux pas avoir et la position et la vitesse. D'accord, en gros, tu dis qu'il n'y a pas de limite théorique, fonctionnelle, fondamentale, à accomplir ça. D'accord. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, on sera capable de le faire. Enfin, si c'est juste une question de puissance de calcul, à mon avis, un jour, on sera capable de prédire l'évolution de la société. Et peut-être, et là où ce sera intéressant, c'est de faire de la rétro-prédiction quelque part. C'est-à-dire, si t'es capable de prendre l'état actuel de ta société, que tu peux l'étendre et 30 ans dans le futur, peut-être que tu pourras l'étendre dans le sens inverse, 300 ans dans le passé, tu vois, pour voir si... Je pense que c'est un des premiers tests à faire pour pouvoir si c'est d'ailleurs comme ça qu'on teste les modèles. Les modèles climatiques, toujours. On essaye d'abord de modéliser le climat du passé pour ensuite dire, OK, il a bien simulé ce qu'on a observé. On lance sur de la prédiction. Mais avant, il faut que ce soit quand même pas mal calibré sur ce qu'on a déjà observé. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous soumettre? Ou huître. Des considérations finales? Huître. Hein? Huître. C'est bien huître. Non, ça, j'aime pas. Comment ça, t'aimes pas les huîtres? Je préfère bulot. C'est un joli mot de la fin. Non, en fait, moi j'ai une question, mais ouais. Après, si t'avais peut-être des. Non, des j'ai pas. D'accord, alors moi j'ai une considération, c'est que je crois qu'on on est parti du documentaire de Léo dans lequel on avait des considérations sur deux îles pour lesquelles on essayait de trouver des facteurs qui permettraient d'expliquer. On a bien compris dans tout ton dossier que ça rentrait dans le cadre d'une géographie qui se. Je sais pas, elle date de combien de temps? 20 ans, 30 ans, cette géographie systémique 20 ans, 30 ans, d'accord. Maintenant, est-ce que cette géographie systémique, comment tu envisagerais sa réponse à la question de Léo, pourquoi des pays sont riches, pourquoi des pays sont pauvres? Comment tu envisagerais que quelqu'un se mette à travailler sur le Timor et sur Bali? Comment ça se passerait, en gros? Bon, alors tu me poses la question. Bah, tout à l'heure, on parlait des pouces verts et pouces rouges sur les vidéos YouTube. Bah, moi, juste en voyant le titre, j'aurais mis un pouce rouge parce qu'on ne se pose pas ce genre de questions qui sont un peu dangereuses. Au sens où, exactement dans ce qu'on vient juste de dire, au sens, bon, bah, dans ce cas-là, on va dire, c'est facile après d'être riche ou d'être pas riche. Et ouais, c'est un peu facile après. C'est quand la question qu'on pose, on attend une réponse. Comment on fait alors pour être riche? D'accord. Et du coup, c'est une question qui est assez. Qu'on va pas se poser comme telle quelle, en tout cas, en géographie. Même si c'est un état des lieux. Genre, tu vois qu'un pays est pauvre, tu vois qu'un pays est. Dans ce cas-là, on fait une étude de cas. Ouais, mais justement. Mais c'est pas la question, ça va pas être pourquoi est-ce que un pays parmi tant d'autres est riche ou est pauvre. C'est pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait que ces deux îles qui sont dans un climat différent, qui ont des histoires choses similaires. Ça fait un titre trop long sur YouTube. Mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Mais en même temps, c'est ça aussi, on parlait tout à l'heure de la recherche et de la vulgarisation. Ouais. En même temps, c'est vrai que souvent, dans la recherche, il y a plein de petits détails qui font la différence. Effectivement, moi, j'aimerais bien... Enfin, c'est évidemment super cool de faire de raconter des trucs super funky et super un peu tranchés comme ça. Mais effectivement, c'est en vrai... C'est beaucoup plus compliqué, en fait. D'accord. Donc t'aurais mis un... Mon titre de thèse, il fait 3 lignes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, bah oui. C'est vrai, on en revient à ça. On en revient à ça, ouais. Mais j'aurais mis pour le titre, oui, et après, dans la vidéo, moins. D'accord. Quand même. Dans les explications, effectivement. C'est-à-dire que t'aurais mis un pouce rouge, et puis après, peut-être que t'aurais mis un pouce bleu. C'est plutôt pour ta gueule, mais bon, ça, c'est... Rassurage. Voilà, donc c'est vrai, en géographie, on se serait pas posé la question telle qu'elle, en fait. Du coup, Johan et Robin, est-ce que vous avez récupéré la myriade de questions que j'ai vu défiler dans la chatroom? Est-ce que la prévention des risques augmente la gravité des événements non prévus ou augmente la probabilité des événements peu fréquents? Est-ce qu'on peut reposer la question? Ta mère. Ah, ta mère, là. Réponse. Est-ce que la prévention des risques augmente la gravité des événements non prévus? Non. Ou non. Augmente la probabilité des événements peu fréquents? Non, bah non. Je sais pas ce que Bruce Icor veut dire. Est-ce qu'il parle peut-être de la probabilité relative? Est-ce que du coup, si tu prévois... Ouais, bah non. Parce que la prévention des risques ne va pas du tout augmenter le nombre d'événements qui se produisent. Le nombre d'événements qui se produisent n'a rien à voir avec la gestion. Ouais, non, je suis d'accord. Bon. Par contre, il y a eu effectivement des chiffres qui... En fait, on a à peu près toujours le même nombre d'événements. Alors, je ne sais plus lesquels c'est d'événements qui provoquent des catastrophes. On a toujours à peu près le même nombre d'événements catastrophiques, là. Par contre, le nombre de victimes a largement augmenté et les coûts après les crises ont largement explosé. Donc c'est peut-être ça dont il parle, je sais pas. Et ça, c'est complètement lié au développement de nos sociétés dans les zones à risque, tout simplement. C'est-à-dire qu'après, on peut mettre en place une gestion intéressante et sensée, etc. Et en même temps, que ce soit toujours plus cher, parce qu'on est toujours plus nombreux et qu'on a toujours plus d'infrastructures dans les zones à risque. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il n'est pas dans la chatroom, ou il n'est plus dans la chatroom, donc il ne pourra pas nous réexpliquer. Cor est là, mais il ne répond plus, donc je ne sais pas où il est. Donc, oui. Bon, on va dire que ça ira. C'est exactement ça. Une question pour Léo de Wolf Robot. Est-ce qu'on sous-estime pas le public dans la vulgarisation et comment tu doses ? Point d'interrogation. Bon, moi, je pars du principe qu'ils sont intelligents, de base. C'est pour ça que. Je pars du principe qu'ils sont intelligents. Il ne prend pas pour des cons, mais il n'oublie pas qu'il est en son. Voilà, mais ça, c'est quand je lis les commentaires en général. Je me dis, ah, en fait, non. J'ai fait une erreur, je les ai surestimés. Non, tu pars toujours du principe que c'est des gens très intelligents, mais qu'ils n'ont pas fait les études. C'est-à-dire, les gens sont très malins, mais ils n'ont peut-être pas le background ou les termes, etc. Donc, faut leur instruire. Tu peux aller très très fort dans les concepts, parce que les gens sont très forts pour manier des concepts, même compliqués. Mais c'est juste que faut leur donner les outils pour comprendre les concepts. Donc, en général, moi, j'hésite pas, dans mes épisodes, à parler de trucs qui sont de niveau master. Je le fais en général, c'est ça. Genre, quand j'ai parlé de psychologie évolutionniste, tout ça, c'est des trucs que tu vois plutôt en master. Mais en même temps, tu l'introduis de façon fun parce que t'es pas censé faire un cours de master non plus, quoi. Donc, tu peux rester fun. Et dans tes stats, c'est quoi la tranche d'âge la plus jeune ? Y a des gens qui sont de 15-25 ans. Après, je pense que j'ai quasiment la moitié de mon public qui est entre 25 et 35. Donc c'est des gens de mon âge, donc, je pars du principe que c'est des gens instruits et tout ça, et surtout tout à fait aptes à manier des concepts complexes, pas de soucis. Oui, mais c'est de la vulgarisation pour gens qui sont susceptibles de se trouver dans ces cursus-là. Voilà, ou plus jeunes, mais peut-être qu'ils auront... Ah, ils vont pas comprendre tous les niveaux de complexité. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Mais je pars du principe que les gens sont intelligents de base, quoi. Et des fois, je m'en mords les doigts. C'est une réaction de Wolf Robot qui dit c'est une histoire de vocabulaire plus que de remanier le fond, finalement. Ouais, le fond, je pense que vraiment, les gens sont capables de comprendre des concepts très très avancés en science. C'est juste qu'ils sont pas censés savoir tous les termes spécifiques, quoi. Et ils n'ont pas non plus accès à l'information scientifique, les articles, etc., qui sont assez obscurs, finalement. Même pour nous, des fois, c'est... Ok, si c'est fini, je vais lancer le pitch de la semaine prochaine. Est-ce que vous avez fait vos devoirs ? Est-ce que vous avez ramené une quote ? Ouais. Oui, il y en a trois. Oui, très bien. Enfin, je vais d'abord faire le pitch et puis je vous laisse du coup la préparer. Alors, donc le pitch de la semaine prochaine. La semaine prochaine, Irène nous fera un dossier sur le système immunitaire. Donc, ce système qui est bien connu, c'est notre armée personnelle en place pour nous protéger et éliminer les intrus. Le but est très simple, tout ce qui ne fait pas partie de soi-même est bon à détruire. Une façon peut-être contestable de procéder, mais pour faire le ménage dans la maison, c'est efficace. Imaginez ainsi une misérable petite bactérie qui se présente dans votre nez et une avalanche de cellules qui viennent la dévorer. Une cellule dans votre organisme qui décide avec quelques voisines qu'elles en ont marre de se conformer aux règles et aux codes. Les rebelles vont être éliminés de facto par une armée très organisée et complexe de chasseurs et tueurs. Dans cet épisode 262 de Podcast Science, nous verrons comment est défini le « soi », comment se compose et s'organise cette armée incroyablement complexe et efficace, et comment au bout du compte on ne comprend pas bien les rouages compliqués de cette organisation. Pour cela, nous utiliserons quelques exemples de ce système en action, y compris ce qui se passe quand tout ne se déroule pas exactement comme prévu. Super, et du coup, très bien. J'espère, on lui a pas trop laissé le temps, parce que ça a été un peu... J'avais oublié une date, donc il n'y avait pas d'émission la semaine prochaine, du coup, c'est... Mais elle a super remplacé au pied levé, merci Irène, quand tu nous écouteras. Ouais, c'est super Irène. Et du coup, la quote, je vous laisse... Alors la quote que Léo a trouvée, c'est difficile de faire des prédictions en particulier en ce qui concerne le futur, je crois que ça illustre bien finalement tout ce qu'on a dit. Alors de qui est-ce que c'est cette quote finalement, on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop, t'as Albert Einstein. Ouais, Albert Einstein. Voilà, Albert Einstein. Ma maman. Dans le sac. Parce qu'en réalité, il y a même, tu peux trouver des articles de blog où les gens essayent de retracer l'origine de cette citation, et tu vois qu'elle a été citée par une vingtaine de personnes faciles, entre Niels Bohr, Mark Twain, Einstein, ma mère. Maman, si tu m'entends. Noël, ma mère. Ouais, Noël. Les boules de Noël. Les boules de ma mère. J'ai tellement honte. Voilà. Voilà, sinon on avait trouvé « Rien n'est permanent sauf le changement ». Voilà, c'est d'Héraclite d'Éphèse, un grec qui avait tout compris. Très bien. Et je dis la troisième ou elle est trop déprimante ? Allez, il faut finir. De toute façon, c'était déprimant comme émission. Enfin, vous avez c'est été un super duo pour nous préparer ce dossier, mais très très honnêtement, moi je déprime. En même temps, faut pas déprimer. On n'est pas catastrophiste là, pas du tout. Donc le changement du monde n'est pas seulement création ou progrès, il est d'abord et toujours décomposition et crise. Et c'est d'Alain Touraine, qui est un sociologue français. Et effectivement, j'avais trouvé cette citation intéressante parce qu'on est obligé de passer par des périodes de stabilité, puis une crise, puis une stabilité, puis une crise, et que ça fait partie de l'évolution de nos sociétés. C'est un phénomène complètement normal et qu'il ne faut pas en avoir peur. Après, on peut y réfléchir pendant une semaine, mais moi je vois de quoi avoir peur. En fait, c'est toujours. Faut savoir de quel côté du couteau tu te places, en fait, pour pouvoir avoir peur ou non. Tu vois. C'est la dictature scientifique, là, c'est ça? Ah, mais Léo, je pense qu'il est à fond. Hein. De toute façon, vous voyez pas, mais là il est déguisé en Cortex de Minus et Cortex. Hein. C'est même pas la peine de voter, en fait, on s'en fout. Votez pour mon algorithme. Donc, si vous avez aimé cette émission, vous pouvez n'hésitez pas à aller visiter la chaîne de Léo. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ne la connaissent pas. Donc, Dirty Biology. Sinon, donc n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, SoundCloud. Est-ce que j'en oublie? J'en oublie sûrement. Twitter. Et si vous voulez, vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon ou supporter Léo sur Tipeee. Voilà, on vous souhaite à la semaine prochaine pour vous retrouver avec le système immunitaire. Retrouvez les meilleurs livres audio de science sur devivevoix.com. Écoutez le prix Nobel Serge Haroche ou le mathématicien Cédric Villani vous raconter leurs expériences dans des enregistrements inédits. Bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivevoix.com. De vive voix, des savoirs qui vous parlent. Et que servir la science soit votre joie. Servir la science de notre joie. On y vient. Il était quoi, pardon? Il était ornithologue? Lépidoptériste, c'est-à-dire qu'il était spécialiste des papillons. Ah. Ouais, c'est vraiment titre. Femmes. Et des femmes, ouais. Des jeunes filles. On sait pas, hein, c'est de la fiction. Ah ouais. Bref. digression, donc. Et donc, je continue? Oui. Donc, enfin, je vais. On pourra couper après. Est-ce que ça les intéresse ou est-ce qu'ils veulent qu'on parle d'autre chose? Par contre, si on pouvait changer de sujet, ils nous emmerdent un peu, on préférerait des maths. Enfin, je sais pas, hein, c'est ce qui est écrit dans la chatroom. Mais des fois, c'est bien de changer. On a beau rebooter la chatroom, on a beau rebooter le live, mais il y a encore Robin, je comprends pas.